Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut. Et je suis aussi avec Benoît, alias Exerve. Salut. Je t'ai surpris, hein. Ah ouais, tu as révélé mon identité secrète. Non. ça y est, j'ai donné ton prénom au monde entier. Et ben voilà. Tu es démasqué. C'est pas grave, je vais apprendre à vivre avec ça maintenant, tout le monde m'appellera Benoît. Ça va messieurs? Super. Ouais. Ça va. Tout va bien? Tout va bien. Après ce retour de l'épisode de Bloodborne qui a été, on a eu un super accueil. Ouais, vraiment, on était super contents. Beaucoup de retours extrêmement positifs. Plein de gens qui nous ont dit qu'ils s'étaient remis dans le jeu à cause de ça. Ça fait toujours plaisir. On est désolé, mais en même temps, on est content pour vous. Ouais, on n'est pas tant que désolé que ça, en fait. C'est pas vrai. C'est ça. On est plutôt contents. Et surtout, bah, même au niveau du nombre de gens qui nous ont écoutés, c'est reparti comme en 40, quoi. Ouais, on a eu encore des gros chiffres. Donc, merci beaucoup d'être aussi nombreux, de nous suivre. Ça fait super plaisir. Et puis ça y est, on est lancé dans cette seconde saison. Comme d'habitude, on remercie notre sponsor Third Edition, donc la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo, mais pas que, vous commencez à le savoir maintenant, puisqu'il y a aussi des ouvrages sur la pop culture, notamment donc le fameux livre sur John Carpenter qui est enfin sorti, mais il y a aussi un livre sur Devolver Digital qui va sortir le mois prochain. Je crois que toi Maxime, ça te branche un petit peu ça? Oui. Et ben voilà. Je n'avais pas préparé ça, mais c'était la réponse. Ça me branche. Et bien voilà. Si Mehdi nous écoute, pourquoi pas. On va lui demander parce que moi je trouve ça super intéressant. En plus, c'est un bouquin qu'ils ont fait en collaboration avec des gens de chez Devolver. Ils ont eu beaucoup d'interviews. La couverture, elle est faite par un des artistes qui avait bossé, si je dis pas de conneries, sur Hotline Miami 2. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas mal parce que c'est un vrai bouquin, tu vois, officiel, comme on avait pu faire, nous, avec Dead Cell. Donc, c'est cool quand ça commence, en fait, à se répandre, ce genre d'idées-là. Et moi, je suis ravi, quoi, tout simplement, pour eux. Très bien. Et puis, on remercie aussi nos Patreons. Il y a quelques personnes qui nous ont rejoints, en plus, avec la rentrée. Donc, ça fait super plaisir de voir qu'on reprend et qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent sur le Patreon. Parce que, comme on le dit à chaque fois, même si c'est important de le dire, on a vraiment besoin de vous pour faire vivre l'émission. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur notre page. Et puis voilà. Oui, sachant que là, on a besoin de vous, entre guillemets, aérienne, que vous ne voyez pas, parce que c'est un format audio et que j'oublie à chaque fois ces détails. C'est impressionnant. Je m'y ferai jamais, parce que je parle avec les mains. Mais comme on a atteint le premier palier, voilà, il y a cette histoire de régularité. Vous avez votre épisode tous les 15 jours, ça, c'est évidemment acté. Nous, ce qu'on voudrait avec cette deuxième saison, c'est aller à ce fameux deuxième palier des $600 par épisode, pour que on puisse se dire, on va prendre plus de temps sur notre programme hebdomadaire pour aller au fond des jeux encore plus, et des jeux beaucoup plus complexes. Hein. Oui, vous aurez un jour cet épisode sur Nier Automata. c'est la carotte qu'on met. On va vous faire languir, il faut y aller, il faut aller sur le Patreon. C'est la petite sucrerie de l'épisode sur Nier Automata, mais il faut passer des heures et des heures à lire, à comprendre, il va falloir se taper des années de philo pour savoir à peu près de quoi ça parle. Donc évidemment, on peut pas faire ça sur notre temps de préparation habituel, donc voilà. Très bien, et la dernière fois on était dans un truc bien sanguinolent, cette fois on va revenir à quelque chose de plus sage, de plus intimiste, puisqu'on va parler de Gone Home, jeu indé, comme d'habitude on alterne un petit peu, je crois que c'est ce qu'on d'ailleurs on a prévu un petit peu sur tout le programme. Il suffit juste d'envoyer une petite musique un petit peu folk, un peu rock. C'est quoi le genre? C'est pas encore décidé. On sait pas encore ce qu'on va mettre. Ouais, non, parce que du coup, moi, on peut le dire. Hein, révélation, tu vois. Spoiler, la musique que j'avais choisie, vous l'aimez pas trop. Donc, moi, je voulais mettre la musique des crédits. C'est de ma faute, puisque je n'aime que le rap et j'ai un petit peu râlé. Et puis voilà, c'est de ma faute. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté rock, parce qu'en fait, dans le jeu, l'héroïne avec sa copine, elles ont monté une espèce de petit groupe de rock. Et ça fait très garage, très Nirvana, très amateur, et c'est vrai que du coup le son il est saturé, il est dégueulasse, c'est mal mixé, ça agresse un peu les oreilles, tu vois. C'est du garage rock, quoi. On verra du coup ce que Maxime choisit. C'est lapidaire, tu sais, ce mec. Bah allez, c'est fini, rentrez chez vous. Il va nous mettre un truc complètement aléatoire. Je vais mettre les White Stripes. Ça passe toujours. On est d'accord. Donc c'est parti pour un nouvel épisode de Fin du Game. We're so cool, yeah, yeah. Fuck you too, cool schmoor. I don't want to. Gnome, qui était sorti à l'origine le 15 août 2013, c'était sorti sur PC, et puis évidemment, comme beaucoup de jeux indés qui ont eu un succès assez important, il est ressorti sur console, sur PS4, sur Xbox One, je crois que c'était en 2016, et puis évidemment, il est arrivé sur Switch l'année dernière, puisque bon, si tu sors pas sur Switch, qu'est-ce que tu fais? T'as raté ta vie, hein. Exactement. Ouais, par contre, attention, parce que tu peux non seulement rater ta vie, mais tu peux aussi acheter des jeux pas terribles, hein, parce que la version Switch de Gnome, c'est vraiment pas ça. Ah ouais? Ouais, j'ai lu pas mal de reviews qui disaient que attention, attention, danger, portage, incroyable. Donc si jamais les gens ne l'ont pas fait, et c'est déjà pas une bonne idée de nous écouter, parce qu'on va spoiler, on le rappelle. Oui, mais c'est vrai que c'est le principe de l'émission. Mais voilà, plutôt le faire sur PC ou sur... Ouais, demandez à vos amis qui étaient là à l'époque où les Humble Bundles c'était populaire. Ils auront, comme nous tous, 43 clés. C'est vrai à vous qu'il offrir. A été offert à énormément d'occasions. Donc, je pense qu'on l'a tous reçu de ça manière. Ça doit être un jeu qui coûte plus rien aujourd'hui, vu qu'il a 6 ans. En fait, à l'époque, il coûtait 20$. Je crois qu'il est quand même à entre 10 et 15. Maintenant, je crois que je l'ai vu à 2,50 sur D'accord. Steam. Mais okay. Ouais, comme il y a moyen de l'avoir à 2,49€. Il est très souvent en bundle. Vous avez vu comme je connais bien les prix un petit peu des grosses réductions de ce type. Bref, donc c'est un jeu qui est développé par Fulbright Company, qui est un studio qui a été fondé par deux personnes, c'est Steve Gaynor, non par trois personnes, donc Steve Gaynor, il y a également Carla Zimonja, je ne sais pas si je prononce correctement, Zimonia, Zimonia, tu dirais... C'est ça, la polonaise, c'est Zimonia. Je crois que c'est Zimonia. Eh bien, merci. Mais bon, après je te laisse pour la prononciation d'après, parce que là c'est piège. Joenman Nordhagen. On y va comme ça ? Allez, allez, voilà. Donc, c'est les trois personnes qui ont fondé le studio Fulbright. En fait, ils s'étaient rencontrés en bossant chez 2K Games. Donc, 2K Games, c'est BioShock. En fait, ils ont bossé principalement sur le 2, puisque Steve Gaynor était au lead design sur le DLC Minerva's Den de BioShock 2, et qui avait été très bien accueilli par la critique à l'époque. Moi, j'y avais pas fait. Est-ce que vous y avez joué, vous, à Minerva's Den ? Ben non, parce que je fais partie de ces gens qui avaient trouvé que BioShock 2 était un peu décevant par rapport au premier. Et du coup, ça m'était tombé des mains. Du coup, j'avais pas acheté les DLC. Pas forcément poussé les DLC. Ouais. Pas plus que ça. Et toi, Maxime ? Non, alors pour l'anecdote, c'était pas prévu, mais BioShock 2, je l'avais lancé et il y avait une histoire où je devais synchroniser un compte Windows avec, je sais plus trop pourquoi. Oh, mais oui, c'était l'époque des Windows. Ah, comment ça s'appelait ? Tu sais, le Game Live. Je sais plus du tout. C'était horrible cette chose. Et ça n'avait pas marché, ce qui voulait dire que je ne pouvais pas sauvegarder. Et du coup, j'ai joué 2-3 heures. Oh, l'énervement. L'indignation, tu sais. Et du coup, j'ai joué 2-3 heures, puis je me suis rendu compte que je pouvais pas sauvegarder. Du coup, j'ai fait, adieu. Attends, c'est... C'est comme à l'ancienne, tu faisais le jeu en une fois avant le goûter. C'est comme ça que font les vrais gamers, Maxime. Mais il faudrait peut-être commencer à t'y mettre. Non, donc en fait, ils sont... comme beaucoup, finalement, de studios indés qui ont été fondés vers cette époque, au début des années 2010, ils en avaient tout simplement marre de bosser dans des gros studios AAA pour des grosses productions, parce qu'ils avaient des ambitions personnelles dans la création qu'ils pouvaient pas forcément mettre en place dans des gros jeux comme BioShock, et du coup ils sont partis, je sais que Carla et Steve finalement sont direct partis fonder le studio, et puis ils ont été rejoints très vite par le Joenman là pour fonder le studio, et ils ont été rejoints par une quatrième personne qui est Kate Craig. Exactement, qui elle était environnement artiste et qui les a rejoints dessus, quoi. Dont la femme donc de Kate Craig a aussi fait quelques objets 3D, tu vois, le dessiner, parce que c'est Steve Gaynor qui disait, ils ont fondé en fait le studio et en fait ils n'avaient pas de 3D artiste, tu vois, alors que c'est un jeu, tu vois, où quand même c'est un minimum important. Et alors pour l'anecdote, en fait Steve Gaynor il interviewait des personnes, donc des femmes lesbiennes pour écrire son jeu. Bon, on n'a pas encore parlé des thématiques, mais bon, mais après voilà. Ça, on est déjà en zone spoiler, mais je peux commencer par ça. Et donc Kate Craig, il a découvert via Twitter, parce qu'elle faisait des fanarts en fait de BioShock, de la licence BioShock et de BioShock Infinite. Et il s'est mis à la follow, ils se sont dit, on va peut-être l'embaucher pour être un environmental artist à Fulbright. Et il avait compris aussi qu'elle était mariée à une femme, du coup il a dit, je peux en plus, si tu veux bien, on discute de ton expérience et tout. Et donc elle est venue en fait à Portland où était le studio, elle visitait avec sa femme. Et en fait la femme, il se trouve qu'elle faisait du 3D art, des modélisations 3D. Pour des jeux mobiles et tout. Et du coup elle a fait, au final ça dirait pas toi aussi de venir bosser un peu avec nous? C'est vrai que c'est un studio en plus qui est un peu familial entre guillemets, puisque je crois qu'ils ont une espèce de... Le studio c'est une maison, c'est la Fulbright House. Et je crois que ils y habitaient tous d'ailleurs pendant le développement. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en tout cas pour Gnome, ils ont mis à peu près 17 mois à le développer. Ils étaient dans une maison où ils vivaient et développaient le jeu. C'était quelque chose d'assez classique, hein, parce que c'est vrai que comme tu disais, leur parcours, cette époque-là, c'était vraiment les développeurs indépendants, ils venaient des gros studios et c'était le ras-le-bol, mais ils partaient souvent pas forcément avec énormément d'argent parce que ils quittaient d'eux-mêmes la boîte. Mmh. Et du coup, forcément, ils essayaient de compenser comme ils pouvaient. Tu vois, les équipes de Supergiant Games qui avaient fait Bastion, eux, ils habitaient tous dans la même maison. Enfin, ces histoires-là, il y en avait des tonnes d'équipes. Ils avaient suffisamment d'argent pour se permettre de se planter, tu vois, et ensuite de pouvoir retourner à l'industrie, d'avoir du temps, tout simplement. Mmh. Ils sont pas rémunérés, quand même, c'est pas rien. Mais ouais, il y a quand même clairement des économies. Je pense qu'on en reviendra en détail un petit peu plus tard. Gnome, voilà, c'est pas un jeu qui a eu des millions et des millions de... Oui, de ça se ressent, en tout cas, même si c'est bien fait, ça se ressent, en tout cas, dans l'amplitude du projet et dans ce qu'ils ont pu façonner à l'intérieur. Parce que c'était pas n'importe qui non plus chez 2K, comme on le disait. Voilà, Steve Gaynor était lead designer sur le DLC de BioShock 2, il était level designer sur BioShock 2, donc pas l'extension. Donc voilà, c'est quand même des gens qui devaient toucher un minimum d'argent quand même, quoi. Tout à fait. Donc, comme je le disais, c'est sorti en 2013. C'est un jeu qui a eu assez rapidement, finalement, un gros succès déjà critique au début, puisqu'il a été quand même très bien reçu. C'est notamment Polygon, je crois, qu'on avait fait leur jeu de l'année en 2013, alors qu'on avait regardé quand même en 2013, il y avait des gros larmes qui étaient sortis. Il y avait The Last of Us, il y avait des trucs comme ça. Enfin, c'était une grosse année aussi. Il y avait, année il y avait aussi, GTA V, ouais, je crois, c'est ça qui est sorti. Donc bon, il y a quand même du level à côté. Mais Polygon les a choisis. Ils ont reçu aussi un BAFTA, il me semble. Ouais. Et puis, en termes de vente, ça s'est plutôt pas mal passé puisque dès les premiers mois ils ont réussi à en vendre 250 000 copies et puis après c'est monté jusqu'à 700 000 et je pense qu'aujourd'hui à mon avis ils sont million seller, c'est possible qu'ils aient atteint sachant qu'il y a les versions console et la version Switch très clairement, sachant qu'ils ont été aussi dans tout ce qui est bundle monthly, il me semble qu'ils sont dans les offres Game Pass, dans les offres comme ça. Je sais pas trop comment les ventes sont calculées par rapport à ce genre de bundle et compagnie et voilà. Je sais bien, non, mais je te lance parce que je sais bien. Je suis trop content parce qu'en plus je suis content, je me dis ah, il a pensé à moi et il a effectivement pensé à moi. Merci. Et donc, alors comment sont calculées? Alors elles ne sont pas calculées parce que justement en général la plupart des studios veulent pas rajouter ces chiffres là parce que par exemple Humble Monthly ils vont t'acheter d'un coup 350 000 ou 400 000 clés, ça dépend du nombre d'abonnés qu'ils ont à un instant T, mais ils te payent une somme qui est vraiment une fraction de ce que ça devrait coûter réellement et donc la plupart des développeurs veulent pas le rajouter. Par contre, quand t'apparais dans tout ce qui est Game Pass, etc., là ça peut vite monter les choses, donc ils aiment bien. Ça dépend, tu vois, c'est comme en musique, maintenant ils comptent beaucoup le streaming, tu vois, ils comptent les albums, ils en vendent 8000 en physique et 32000 en streaming pour justement atteindre les disques d'or, disques de platine et compagnie, alors que c'est tout le streaming qui fait mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas forcément le chiffre de vente, de toute façon selon les époques ça veut pas dire du tout la même chose que 1 million de ventes en 95, ça n'a rien à voir avec 1 million de ventes en 2019, mais du coup ce qui est intéressant c'est de se dire qu'ils ont pu non seulement de base rembourser ce qu'on appelle break even, c'est-à-dire rentrer dans leurs frais, voilà, ils arrivent à un petit bilan zéro à la fin du développement. Seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est magnifique, incroyable. Oui, on voit les gens qui ont fait des études, donc je suis bien entouré. Et après, ils commencent à faire des bénéfices, et c'est vrai que c'est plus ça qui compte, parce que forcément, dans une logique de Game Pass ou d'abonnement Humble Monthly, tu t'en fiches du nombre de gens qui jouent à ton jeu, eux, ça leur permet d'avoir une certaine somme d'argent en une seule fois, et ça les aide énormément. Parce que du coup, les ventes de jeux Steam, faut savoir que t'es payé tous les mois, ou tous les 3 mois, je sais plus exactement, ça dépend. Mais voilà, c'est en fonction des ventes. Donc si pendant 3 mois tu vends pas de jeu, ils vont te filer 200 balles, et puis peut-être que 6 mois plus tard, il y a eu des soldes, et hop, ça y est, ils te mettent pas mal de sous. D'ailleurs, je pense que tu parles de ça, parce qu'effectivement, en ce moment, on parle beaucoup de l'Epic Game Store, avec toutes ses exclusivités, et c'est vrai qu'il faut comprendre que pour des studios, en fait, les stores, maintenant, proposent quand même des grosses sommes qui leur permettent d'avoir une vraie sécurité financière pour des studios indés, et c'est pour ça qu'ils font ce genre de deal, quoi, parce que ça leur permet vraiment de pouvoir se projeter, de se dire, ok, déjà, on peut payer les gens qui sont en train de bosser sur le jeu d'ici la sortie, ensuite, on va pouvoir suivre la sortie du jeu, faire des patchs et compagnie. C'est une assurance, en fait, de pouvoir faire vivre le studio, une viabilité financière. Donc, c'est pour ça que ce genre de deal existe aujourd'hui, quoi. Bah oui, parce que de toute façon, l'écrasante majorité des jeux, enfin tu vois, sur les 10 000 jeux qui sont sortis cette année, il va y en avoir peut-être 2 ou 3% qui vont être à peu près rentables. Peut-être 5-6 où ils vont réussir à peu près à sauver les meubles et tout le reste, c'est de la perte d'argent. C'est quoi que j'ai vu comme chiffre? Je crois que il y a une personne qui a enquêté qui avait dit que les 20% donc des jeux de Steam, ceux qui se vendent le mieux, dans ces 20%-là, la moyenne c'est 16 000 $ de chiffre d'affaires. Ouais, c'est Mike Rose qui Voilà, c'est seulement 20%, c'est-à-dire que vous enlevez déjà 80% de toute la dope qui ne se vend pas du tout. Enfin, la dope, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce qui ne se vend absolument pas. Moi, je suis abonné au compte Twitter où c'est les Six Seconds. ça s'appelle, les trailers qui sont fabriqués à la volée. C'est horrible. c'est vraiment de la grosse daube qui sort toutes les minutes sur Steam quasiment. Donc voilà, petite parenthèse un petit peu sur les modèles de financement. Mais voilà, bon, c'est un petit peu dans l'actualité, on entend pas mal parler en ce moment. Et c'est vrai que du coup, ouais, par rapport au bundle, c'est vrai que c'est aussi quand même un bon plan pour des développeurs indépendants. Très bien, du coup, je pense qu'on a fait le tour au niveau du contexte, sachant qu'on y reviendra un petit peu tout au long de l'épisode, parce qu'on a essayé, encore une fois, de construire un petit peu cet épisode de manière un petit peu différente. Donc, ça nous avait motivé après Bloodborne. Ouais, c'est ça. Vous aviez réagi de manière positive à notre changement d'écriture. Et on essaye, tu vois, je pense que d'ici quelques temps, on pourra écrire un vrai manuel de comment parler du jeu vidéo en 2019. Ah oui, et ce sera la règle. Ah bah j'espère bien. On est en train d'écrire une espèce de voilà. Bible, la grand guide. Et sur la couverture, il y aura un gros melon. Ça me va. Bon, on va néanmoins quand même, comme d'habitude, parler un petit peu de l'histoire du jeu. Et c'est toi, Benoît, qui l'a fait le plus récemment, donc c'est toi qui t'y colle. Ouais, je l'ai fait vraiment il y a une semaine et demie à peine, parce que du coup, c'est pas que j'en avais jamais entendu parler, mais j'avais jamais eu l'occasion de me pencher dessus. Et c'est Gone Home, c'est l'histoire de Katie. On incarne en fait Katie qui est partie pendant pas mal de temps en Europe, vraiment en mode j'ai fini mes études, je pars avec mon backpack et je vais trouver des petits jobs. Elle a écrit à sa famille tout ça. Elle revient plus tôt que prévu et ses parents, en fait, ce qu'elle découvre, c'est qu'ils ont déménagé pendant qu'elle était en Europe. Ils se sont installés dans une nouvelle maison qui appartenait à l'oncle, et non pas le papy, je m'étais trompé, à l'oncle du père de Katie. Ça commence à devenir compliqué. Qui s'est suicidé dans la maison. Voilà, hein, tu vois, ça commence bien au niveau de l'ambiance, hein, c'est pas mal. Il avait une petite rupture, moi j'ai beaucoup aimé. C'est bien. C'est surnommé la Psycho House. Ouais, mais du coup, ouais. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais. Ouais, parce qu'en plus la maison elle est isolée, enfin bon voilà, tu comprends, il y a énormément de choses dans ce jeu au niveau du contexte qu'on découvre, et en fait ses parents sont pas là, parce que du coup comme elle est rentrée à l'improviste, ses parents eux ils sont en week-end amoureux, elle va très vite se comprendre que sa sœur a fait une fugue, sa petite sœur Sam a fait une fugue, le grand-père il s'est suicidé, de toute façon c'est bon, il est plus là. C'est l'oncle. Oui, je me suis encore trompé. L'oncle il est plus là, et du coup en fait nous en tant que joueurs on va visiter cette nouvelle maison qu'on ne connaît pas et que le personnage ne connaît pas non plus, pour découvrir ce qui s'est passé, pas uniquement pour Sam, mais pour tous les personnages de la maison, et remonter un peu, vraiment comme une petite enquête, un peu, tu vois, en récupérant des fragments de puzzle ici ou là, essayer de comprendre ce qui s'est passé pour les parents, ce qui s'est passé pour le grand-oncle, ce qui s'est passé surtout pour Sam, puisque du coup c'est vraiment l'histoire principale, hein. À chaque fois qu'on va débloquer un élément qui fait avancer l'histoire, on va entendre la voix de Sam qui nous fait un petit dialogue, enfin un petit discours, et à la toute fin en fait on va découvrir le poteau rose, c'est-à-dire que Sam en fait elle va raconter, je crois sur l'espace de presque un an, son arrivée dans le nouveau lycée, comment c'était nul au départ, la difficulté à se refaire des copains, etc. Elle est tombée sur un groupe de potes qui lui ont bien plu. Elle a surtout un petit crush pour une fille qui s'appelle Lonnie. Elles ont commencé petit à petit à avoir une relation. Ça s'est devenu quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus sérieux que ce qu'elles imaginaient toutes les deux. Et malheureusement, Lonnie, on apprend assez vite aussi qu'elle devait partir. Alors, j'ai jamais trop compris ce qu'ils utilisent, mais en gros, elle va faire son service militaire. En gros, elle devait partir faire une formation, et évidemment, c'est la rupture, c'est pas facile. Et elle a toute fin, retournement de situation, twist finalement, dans le bus qui l'amène là-bas, Lonnie, elle laisse des messages qu'on entend dès le début du jeu, où elle dit à Sam, répond, et en fait, elle lui demande de la rejoindre, et du coup, Sam, elle quitte tout, elle se barre, et voilà, fin du jeu. Elle fugue pour vivre leur amour, tout simplement. Ouais, et c'est très beau, voilà. Non, mais je trouve que c'est une histoire qui est très jolie, et du coup, comme on aura l'occasion de toute façon de partager notre ressenti dans l'épisode... Ça vous plaisait cette version de l'histoire, hein, parce que je vois qu'il me regardait quand même avec beaucoup d'intensité. Parce que je pensais au début du jeu, on en discutait un petit peu pendant la préparation. C'est toi, tu croyais que c'était un peu un jeu d'horreur, parce que finalement, c'est vrai qu'on débarque dans cette maison, il fait nuit, il y a une espèce de il y a de l'orage. Ouais, voilà, ouais. On rentre un petit peu comme personne. Ça. Voilà, il y a personne. Il y a pas de chaussures. C'est Lonnie qui dit Sam, t'es où et tout. Ouais, enfin, tu vois, il pleure et ouais, tu sens qu'il y a une espèce d'urgence. Enfin, de toute façon, en plus, moi, j'avais vraiment l'impression qu'à tout moment, tu vois, c'était pity. À tout moment, il allait y avoir un truc qui allait apparaître, j'en sais rien. Et puis surtout, à un moment, c'est vrai que pendant le jeu, on tombe sur une espèce de baignoire où il y a des grosses traces rouges, en fait, de liquide rouge. Alors, on apprendra plus tard que c'est de la peinture parce que c'est teint les cheveux ou un truc comme ça. Mais au final, dans le jeu, on pourrait croire que c'est du sang. Donc, on peut avoir d'autres idées en tête en se disant, ah, ça se trouve, en fait, elle s'est suicidée. Il s'est passé quelque chose de beaucoup plus grave, finalement, que ce qu'on apprend à la fin du jeu. Et en fait, non, c'est plutôt une belle histoire, même si, bon, voilà, on va en revenir en détail un peu là-dessus parce qu'il y a évidemment d'autres histoires dans Gone Home. ensemble. Là, on n'a pas tout raconté, mais on va peut-être d'abord. Bah, c'est un peu aigre-doux, mais ça se finit bien. Tu vois, il y a quand même un. Moi, je prends ça quand même comme un happy end. Mais par contre, bah, dès le début du jeu, de toute façon, ils installent cette ambiance. T'es tout seul. Il y a que le bruit comme ça. Ça met tout de suite l'ambiance film d'horreur. En plus, tu rentres, tu vois juste un immense escalier qui monte comme ça. Moi, je trouve ça super intimidant, les escaliers. Voilà, révélation. les clowns, les escaliers. Moi, je trouve ça un peu flippant. Et tu t'attends à ce qu'il y ait un truc qui arrive à un moment donné. En plus, ils ont fait un travail sur le sound design qui est assez fou, parce qu'il y a beaucoup de bruit totalement aléatoire avec des craquements, comme c'est le cas dans n'importe quelle maison. Mais du coup, ça renforce un petit peu cette anxiété qu'on peut ressentir. Et pour du coup commencer à décortiquer un petit peu le jeu, on le disait, Steve Gaynor, il a bossé sur Bioshock 2, il a été lead design sur Minerva's Den. Et nous, on avait pu l'interviewer, Maxime et moi-même, quand on avait fait un épisode de Beats pour Arte, une émission qui est un petit peu en pause, voire arrêtée totalement maintenant. Mais on avait pu l'interviewer sur notre épisode Story Playing. Et en fait, lui, il nous avait expliqué que ce qu'il voulait faire avec Gnome, tout simplement, c'était Bioshock sans combat, en fait, c'est-à-dire qu'il était parti, il s'était rendu compte en travaillant sur Bioshock qu'il y avait plein d'outils, en fait, narratifs dans ce genre de jeu, et lui, ce qu'il voulait faire, bah, c'est tenter de se concentrer sur ces outils et mettre de côté tout ce qui était combat et aussi le délire objectiviste qu'on peut avoir dans Bioshock, quoi. pour rappeler juste au cas où Bioshock, ça appartient à la famille un peu de ce qu'on appelle les immersive sims, alors qu'il y a des gens, voilà, on est plus ou moins d'accord en ce qui concerne Bioshock, le débat, mais oui. Mais en tout cas, vous pouvez écouter l'épisode sur Prey, on revient un peu en détail là-dessus, mais l'idée, c'est que ce sont des hyper liens dans les épisodes. Ah, c'est trop mais bien. En gros, ce sont quand même des jeux à la première personne en général, y a avec du shoot, quelques mécaniques de RPG et aussi un gros soin apporté à l'univers pour le rendre crédible. Voilà, en gros, c'est l'idée. Et donc, dans Bioshock, il y avait toute cette idée quand même de la cité de Rapture qui est sous l'eau, qui s'est arrêtée, je crois, dans les années 60 ou qui a été coupée du monde à partir de ce moment-là. Et il y a plein de détails en fait qui te renvoient à ça, qui te renvoient à de l'ambiance, à du contexte historique. Et avec plein d'éléments aussi, du coup, de storytelling qu'ils avaient pu implémenter. Ah oui, pardon, je croyais qu'il y avait du spoil qui arrivait. Tu sais, j'avais le bouton sur le buzzer. Non, mais plein d'éléments de storytelling, du coup, qui assez. Effectivement, une fois que tu enlèves toutes les mécaniques de shoot et tout, il te reste tous ces éléments de narration en fait, à disposition, et ça peut te donner un jeu comme Gnome. Ouais. Et c'est vrai d'ailleurs, en fait, si on le prend vraiment un peu de loin comme ça, c'est un jeu qui est construit de manière assez classique. La maison, en fait, c'est une sorte de donjon. On pourrait voir ça comme vraiment un donjon vidéoludique, comme on a l'habitude de le voir. D'ailleurs, fait amusant, en fait, la maison, elle n'est pas réaliste au sens où sa structure, en fait, elle est complètement aberrante. C'est-à-dire qu'il y a même, je crois, une pièce qui flotte au-dessus du vide. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment construit cette maison en apparence. C'est quelque chose qui est très proche de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui traînent, machin. Enfin, on veut vous donner l'impression que c'est une maison, quoi. Mais au final, elle est structurée beaucoup plus comme un niveau de Bioshock avec vraiment des petits embranchements, le côté je vais à un point A, à un point B, au point B je récupère la clé pour aller au point C, et c'est vraiment beaucoup plus foutu comme un niveau de jeu vidéo, du level design très classique, que comme une maison, quoi. Surtout qu'il y a des passages secrets partout, et là d'un coup forcément le côté crédibilité de la maison il en prend un coup, parce que tu dis mais c'est quoi ces gens qui ont utilisé autant leur espace. Parce que finalement tu dis c'est une espèce de vieille maison un peu victorienne comme ça, donc ça passe à peu près dans le jeu, mais oui, je suis d'accord, effectivement. Disons que c'est tiré par les cheveux, on va dire. Mais en fait, même au-delà de l'architecture, avec ces histoires de passages secrets, comme je disais, dès qu'on commence en fait à essayer de prendre un peu de recul sur le jeu, on se rend compte qu'il manque plein d'éléments qui seraient tout à fait normal de trouver dans une maison. Alors Max, il avait fait la liste, par exemple, il n'y a pas de chaussures. Alors c'est pas moi qui me suis rendu compte, c'était Steve Gaynor qui disait. Mais ouais, du coup, il expliquait un petit peu tous ces objets. Et c'est vrai que nous, on s'en rend pas compte, parce que ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, moi, c'est un truc qui me fascine toujours, c'est cette vous savez ce qu'on appelle donc la suspension volontaire, je sais pas quoi. En français, suspension consentie de l'incrédulité. Ouais, voilà. Donc en fait, dès que le jeu commence, boum, on accepte les règles de l'univers dans lequel on va évoluer et on n'essaye pas de le remettre en question. On n'est pas en train de questionner ce qu'on est en train de voir. On y croit tout de suite et on se dit tiens, ça ressemble à une maison, ça doit être une maison. Et c'est vraiment instantané dans Gnome, puisque du coup, on arrive assez rapidement dedans. Très proche de la réalité. Du coup, elle est quand même suffisamment proche, mais pas non plus trop. Tu vois, donc ça me permet d'aller sur mon deuxième point. La réalité, c'est pas forcément une bonne chose dans les jeux vidéo. Ah bah non, surréalisme, chers amis de Rockstar, ce n'est pas une bonne chose. Ah, fallait que t'en places une. Toujours. toujours, mais un petit taquet de temps en temps, si c'est pas quantique, tu vois, c'est Rockstar, je veux dire, c'est chacun son tour. Mais là, en l'occurrence, y a, pour les passages secrets, je suis d'accord, on peut dire que c'est de la suspension en incrédulité, mais encore le fait qu'il n'y ait pas de chaussures, par exemple, là, c'est pas. En fait, tu le sais pas, ils vont plus miser sur le fait que tu ne vas pas le remarquer, parce que pour l'histoire, il n'y a pas de miroir, ou à part un qui est genre retourné un petit peu pour justement pas. Pour des raisons évidentes de budget, en fait, c'est la même chose pour les chaussures, et la raison pour laquelle ils n'ont pas mis, c'est parce qu'ils se sont dit, à partir du moment où on met une paire, va falloir en mettre 20 parce que c'est une maison où il y a 3 personnes qui vivent, va falloir faire un placard à chaussures et c'est hyper chiant en fait à modéliser et à faire. Et aussi pour l'histoire, il n'y a pas de douche, en fait il y a des baignoires, mais il n'y a pas de douche parce qu'ils disaient, je crois, tu peux activer les robinets si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, si tu mets une douche, les gens vont vouloir commencer à activer la douche, se mettre en dessous, se dire ah bah non, c'est pas mouillé. Du coup, ils ont dit ok, on fait pas de douche, on met des baignoires. Et du coup, ça, ils n'avaient pas énormément de temps et d'argent, ils se sont dit bon, on va essayer de miser sur. C'est un peu un bluff en fait, où ils vont se dire bon, on va se dire qu'ils remarquent pas. Et effectivement, quand on joue à Gnome, il y a pas une personne qui se dit où sont les chaussures. Hein. C'est vrai que si tu commences. Bon, après, il y a peut-être des gens qui l'ont remarqué. Hein. Ouais, ouais. Ils ont un sens de l'observation qui est incroyable. Moi, ce que je trouve rigolo du coup, c'est que. Ils ont quand même embêté à faire, tu vois, il y a des vêtements. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'ils se sont dit, en fait, même, on sait pas exactement il y a combien de temps ils ont emménagé, ça fait à peu près un an, mais il y a des cartons partout avec des noms, tu vois. Et ça fait genre, on s'est installé, mais on n'a pas complètement enlevé, tu vois, vidé tous les cartons, comme nous on peut le faire, tu vois, quand on déménage. Franchement, moi, j'ai emménagé depuis un an, il y a encore plein de cartons. Oui, voilà, tu vois, c'est ce que j'allais dire, c'est assez courant que, il te reste toujours des trucs, t'en as jamais terminé. Donc finalement, t'oublies et puis surtout tu passes très rapidement à autre chose, parce que la première chose que tu vois dans la maison, c'est ce fameux répondeur qui clignote et qui t'appelle un petit peu du regard, et tu te dis je vais aller voir ça, et après hop, t'es parti dans l'enquête finalement plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que ça c'est la bonne astuce, tu vois, l'excuse du déménagement. Pour deux, il y a au moins deux très bonnes idées derrière. Donc la première, comme tu l'as dit, c'est que du coup ça excuse le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'objets. Ils se sont dit comme ils peuvent pas modéliser beaucoup d'objets, ils ont pas le temps, le budget. Ils mettent que les objets du quotidien immédiat, comme ça, et le reste ils mettent des cartons dans le garage, ils en mettent dans l'entrée, et comme ça c'est bon, c'est réglé. Et aussi le fait que le personnage découvre la maison en même temps que toi, parce que si t'incarnais une fille qui revient dans sa maison d'enfance ou quoi, ça n'aurait pas beaucoup de sens en fait, d'un point de vue diégétique, ce serait bizarre en fait de découvrir la maison en tant que joueur, mais pas en tant que personnage. Ouais, c'est une bonne solution à un problème comme ça que tu pourrais avoir de dissociation finalement avec ton avatar, et du coup il le règle comme ça, donc ouais, c'est assez intelligent. Et c'est aussi pour ça que ça se passe au début des années 90, parce que en fait c'est très tous les objets qu'on va trouver, c'est épistolaire, ça va être des lettres ou des mots qui se sont laissés, alors que dans les années 2000-2010, c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus se parler sur les réseaux sociaux, par téléphone, il n'y aurait plus tous ces écrits-là. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, Sam et Lonnie, en fait, quand elles se rencontrent au lycée, elles discutent en se laissant des petits mots dans leur casier. On a tous vu des casiers de lycée américain, parce qu'on on baigne dans cette culture-là. Et forcément, c'est vrai que si c'était passé dans les années 2010, comme quand le jeu il est sorti, ça aurait été un petit peu moins crédible, nécessairement. Et un autre truc que disait Hugo, c'est que comme on n'est pas vraiment dans une situation qui est très différente du personnage. Moi, j'ai trouvé que c'était super parce que du coup, on s'identifie instantanément au personnage qu'on joue. Ouais. Tu vois, moi, j'étais devenu Kate de manière un peu imagée parce que elle, je savais qu'elle rentrait et qu'elle connaissait pas cette nouvelle maison parce que dès le début, elle sait pas où sont les clés. Tu vois, il y a un mot sur la porte avec les fameuses clés qui sont cachées sous le petit canard, ce qui permet du coup d'instantanément, tu vois, en quelques secondes, de montrer on peut soulever certains objets. Il va y avoir des objets qui seront cachés sous d'autres objets et il faut fouiller pour découvrir des choses. Je trouve ça génial parce que cette micro-scène, t'es dans le porche, donc t'es même pas encore dans la maison, c'est le tuto, et il t'explique parce que tu pourras plus jamais ressortir. La porte, elle est bloquée instantanément, tu vois, elle se referme en mode tu ne ressors pas. Ce qui renforce le sentiment d'horreur quand même. Non, je dis des bêtises, non, tu peux ressortir parce que t'as besoin du canard, il y a une espèce de succès caché. Qu'il y a certaines portes qui te permettraient normalement de sortir, mais elle veut pas les ouvrir pour une raison X ou Y. Enfin bref, voilà, dans ces quelques mètres carrés, ils arrivent à t'expliquer toutes les mécaniques et tout ce que tu vas faire dans le jeu, c'est rechercher des informations et jouer avec le décor, parce que même s'il n'y a pas tous les objets du quotidien, les rares objets qu'il y a, souvent tu peux interagir avec eux, tu vas pouvoir les soulever, on va retrouver cette mécanique de tu vas soulever un objet et tu vas devoir le retourner parce qu'il y aura peut-être quelque chose d'écrit en dessous, d'écrit derrière ou quoi que ce soit, et du coup très rapidement tu vas avoir des mugs, parce qu'ils n'ont pas de chaussures, mais ils ont 43 mugs, parce qu'il y a des mugs partout qui sont posés et ça a dû les faire marrer, tu vois, c'est les petits objets, tu sais, c'est comme la théière de 3DS Max, ça fait partie de ces objets qui sont à mon avis de base dans les logiciels, et puis ils en calent ça leur permet d'aller plus vite, quoi. Ouais, c'est vrai, on disait, ils ont bossé à 2K, donc il y a quand même toute cette expérience dans le jeu à la première personne en 3D. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, que Gnome s'en est un, parce que bah, eux, c'est les codes qu'ils connaissent. Ils disaient, ils auraient pu, théoriquement, une fois qu'ils avaient le pitch, faire un jeu en 2D, mais c'est pas du tout ce qu'ils font, en fait, c'est pas leur connaissance. Et il y a toute cette connaissance, comme tu le dis, tu vois, il y a un tuto, enfin, c'est quand même un truc... Oui, c'est vraiment un truc hyper classique, et ouais. Comme tu le dis, ouais, la boucle de gameplay de base du jeu, elle t'est présentée vraiment de manière limpide. Le level design, il est pensé, enfin, et comme on le disait, enfin, c'est vraiment cette histoire de immersive sim, donc sans qu'ils savent faire sans combat, pour raconter une histoire. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, au début, ils savaient pas complètement ce qu'ils allaient faire comme jeu, quelle mécanique ils allaient mettre, et ils pensaient à des mécaniques d'infiltration, au début. De se dire qu'il y avait peut-être, alors c'était plus exactement le même setting, mais peut-être des robots un peu qui pouvaient surveiller la maison. C'est un poil différent. On est passé des années 90, ouais. Où on s'écrit sur des bouts de papier, c'est les robots qui te surveillent. Parce qu'il y avait toujours ce... Parce qu'on rappelle, on est quand même en 2013, et il y avait toujours un petit peu cet impératif d'action, en fait, ouais. De pas juste raconter une histoire, mais t'avais Dear Esther qui venait de sortir, t'avais un jeu qui citait, je crois c'est 30 Flights of Loving, qui est un jeu aussi où il n'y a pas vraiment de combat, et se rendu compte qu'on commençait à être une époque où tu pouvais juste en fait te balader et avoir une histoire. Mais il y a toute cette compétence quand même de gens qui ont bossé sur BioShock 2. Oui, qui savent faire ce genre de jeu, ouais. Et qui ont dû en désosser une partie pour pouvoir proposer ce qu'ils avaient envie de raconter, quoi. Mais ce qui est passionnant, c'est que du coup, ben, en fait, ils ont extrait tout un tas de mécaniques qu'on survole totalement parce qu'on n'y fait jamais attention, parce qu'on est trop occupé dans les BioShock ou dans n'importe quel jeu à la première personne de ramasser des munitions et de tirer sur tout ce qui bouge. Et qu'en fait, eux, ils ont montré qu'avec des choses assez simples et qui ne nécessitent pas de tirer ou de tuer autre chose, on peut raconter énormément. Oui, et d'ailleurs, le procédé, je pense qu'on se souvient tous de BioShock, c'est d'abord l'audiologue, c'est vraiment les enregistrements audio de, je sais plus comment il s'appelle, Atlas. Le fameux Atlas. Et effectivement, dès le début, c'est vraiment l'outil qu'ils vont utiliser pour nous mener sur cette histoire, l'histoire principale qui est celle de Sam, puisque comme on le disait, en fait, tout au long du jeu, à chaque fois qu'on se déplace, qu'on arrive à des points clés, on va dire, à des espèces de nœuds narratifs qui sont aussi spatiales, entre guillemets, puisque bah, c'est notre progression un petit peu dans la maison qui dicte ça, qui dicte l'avancée de l'histoire principale. Il y a Sam qui va raconter un petit peu l'avancée de son histoire avec... Lonnie. Avec Lonnie, voilà. Oui, c'est vrai que même eux, ils appellent ça des audiologues, tu vois, quand ils parlent un peu du jeu, alors que nous, quand on y joue, c'est juste... En fait, au début, on ne sait pas forcément d'où ça vient. D'où ça sort, ce que ouais. C'est... On peut se douter quand même dès le début que c'est journal, en fait. C'est Sam qui s'adresse à Kate, je crois, quand même, au début. Mais tu peux l'oublier. Moi, je sais qu'à la fin, j'avais un peu oublié qu'en fait, les voix de Sam qu'on entend, c'est un journal, en fait, qu'elle a écrit pendant toute l'année. Et en fait, ça marche bien, je trouve, dans Gnome, même si je trouve que les... Tu vois, pour Prey, par exemple, moi, je trouve que les audiologues, c'était un peu cliché. Ouais. Et je pense que dans les immersive sims, moi, ça me sort un petit peu du truc, en général, parce que j'imagine pas des gens, je sais plus, enregistrer quelque chose et le laisser, tu vois, derrière eux au moment où ils meurent. Enfin, je comprends, tu vois, ce côté un peu de mise en scène, mais je trouve que c'est un outil qui est peut-être un peu abusé. C'est une méthode narrative qui est pratique, parce que ça permet déjà de faire incarner des voix, donc de donner du corps un petit peu à du texte. On te l'amène de manière audio, donc c'est toujours ça complémente un petit peu tout ce que tu vas lire, parce que d'après on lit beaucoup de mails, donc c'est vrai que ça marche bien, mais ouais, comme tu dis, c'est vrai que quand on y réfléchit, le mec qui s'enregistre sur le code c'est 113, pourquoi il y a que ça, tu vois, le vrai avantage en fait de l'audiologue dans les FPS, c'est que ça brise pas l'action, comme tu peux continuer de l'écouter pendant que tu te déplaces, tu vas pouvoir du coup apprendre de l'histoire pendant que tu te déplaces. Malheureusement, on va dire, ça a aussi l'effet paradoxal de tu ne t'y intéresses pas, parce que moi je sais qu'à chaque fois qu'il y avait un audiologue, si c'était pas, tu vois, Would You Can Lee, ou vraiment une phrase importante, ou que c'était juste un truc que je trouvais par terre, en général, je m'en fiche et je passe à autre chose, parce que l'impératif du jeu, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on attend de toi. Oui, donc, tu dois t'arrêter vraiment de faire ce que t'étais finalement en train de faire, je sais pas, tu ramasses des munitions, tu commences à te projeter dans le level design, genre, où je vais aller et compagnie, et en fait, non, il y a un scientifique qui va te parler pendant 2 minutes, ouais. Donc t'as plus envie de laisser ça de côté, de le faire taire, que de continuer. Je précise juste, le Would You Can Lee, c'est une formule dans BioShock, où il te demande si tu veux bien faire par quelque chose. Je précise parce que ça, ça a dû passer. C'est le genre de truc, tu vois, entre nous, on se dit, bah, on s'est tous compris, mais en fait, on a peut-être perdu. Ouais, mais un jour, on fera peut-être un épisode sur Bioshock. Hein, si c'est donné sur le Patreon. C'est typiquement le genre de choses, juste pour, quand on fait par exemple des vidéos sur GameXor, il y a juste un terme qui est lâché. Parfois, t'as des commentaires. Qu'est-ce qu'il a dit là? Oui, c'est vrai que c'est un peu trop private joke. Enfin, c'est vraiment un truc. Bon, bah, désolé, du coup, si vous n'aviez pas encore fait le jeu Bioshock, faites-le, parce que c'est quand même un classique. Et pour revenir sur cette histoire d'audiologue, dans ce genre de jeu-là, effectivement, tu es obligé de t'arrêter. Tu vois, moi, par exemple, je suis en train de jouer à Control en ce moment, où il y a beaucoup comme ça de petits messages audio. C'est pareil, c'est absolument pas justifié par l'univers, parce que pourquoi d'un coup... Justement. Non, mais les vidéos, ça marche. Ah si, les enregistrements, t'as avec les bandes magnétiques, ils font des tests et compagnie. Ouais, bon, ça peut marcher. Mais ce que je voulais dire, en fait, et tu fais bien de me contredire parce que, en fait, t'as raison, ça marche. C'est vrai qu'en y réfléchissant, ça fonctionne. C'est que, ce que je fais, c'est que je me prends des temps dans le jeu j'arrête. Ouais. Tu vois, je sais que je suis en zone safe, je vais pas me battre, il y a pas de méchants qui vont apparaître et je les écoute et je vais prendre 3-4 minutes. Et je trouve que, finalement, dans ce genre de jeu comme BioShock, etc., l'audiologue, c'est facile, mais c'est pas efficace. Et je trouve ça assez intéressant parce que quand on en avait discuté pendant la préparation, c'était Max, je crois, qui nous avait dit qu'une des narrative designers de chez Arkane, qui avait bossé donc sur Dishonored notamment, elle trouvait que les audiologues c'était cheap. Tu vois, elle le disait, que l'audiologue, ceux de Gnome était cheap. Et en fait, on en a discuté entre nous et je m'indigne, je suis pas d'accord avec elle. Parce que justement, je les trouve qu'ils sont extrêmement efficaces parce que ça fonctionne comme une véritable récompense qui marque, comme tu le disais, ta progression dans la maison. Parce qu'on l'a dit, c'est un donjon, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est pensé un petit peu comme un Metroid-like. Ouais. Tu vas débloquer de la connaissance qui va te permettre d'aller visiter une nouvelle zone. Tu vas des fois trouver un code, une clé ou quoi que ce soit, et des fois, c'est juste une info qui va te dire je suis allé dans le jardin ou je suis allé dans le garage et je me suis caché dans le sous-sol pour faire un truc, et tu dis je vais essayer de chercher le sous-sol, et tu vas fouiller la maison dans une nouvelle direction. Donc ça fonctionne comme une vraie récompense, et comme le jeu il n'y a pas d'action, et en fait on est déjà dans un tempo dans nos déplacements, je trouvais, qui est très lent, et donc en fait on écoute vraiment ce qu'elle est en train de nous raconter. Et en plus, pendant la préparation, ce qu'on s'était dit, on se demandait si c'était diégétique, parce que effectivement, tu vois, contrairement au jeu comme Bioshock, tu trouves pas une petite cassette, elle parle juste comme ça un peu de nulle part, et en fait on s'est rendu compte que c'est le livre qu'on trouve donc à la toute fin du jeu qui nous est raconté finalement pendant toute l'aventure, c'est-à-dire que on va dire qu'à chaque fois qu'on finit un truc, hop, on a un petit chapitre de ce livre qui nous a raconté, et c'est super intéressant parce que finalement ça, la narration, c'est-à-dire au moment où on l'entend, c'est pas au moment où on le lit réellement, où notre personnage le lit réellement, c'est-à-dire qu'il y a une... Il y a un décalage. Hein, voilà, il y a un décalage temporel, vraiment. Une mise en scène, tout simplement. En fait. Une mise en scène, tout simplement. On emploie des mots aujourd'hui. Non, mais je suis vraiment bluffé. Oui, c'est une mise en scène, tout à fait. Et effectivement, il y a une narration qui est différée. Et ouais, comme on dit, ça fonctionne super bien. Parce que, en fait, les immersive sims, ils ont le souci de la cohérence diégétique. Et en fait, dans Gnome, on parlait tout à l'heure de la suspension d'incrédulité. Et en fait, c'est deux choses qui sont légitimes. Mais tu vois, dans Gnome, c'est de la suspension d'incrédulité. Tu vas trouver un objet, hop, t'entends la voix de Sam qui parle, et en fait, ça marche. C'est ça le truc, ce n'est pas diégétique, ça n'a pas de sens en soi que t'entendes la voix de Sam qui résonne, c'est des haut-parleurs de la maison, non, il n'y a pas de ça. On dit beaucoup, je te coupe, parce que tu sais, on dit beaucoup diégétique et tout, je crois qu'il faudrait qu'on dise intradiégétique d'ailleurs, pour l'information, mais c'est des phrases, ce qu'on veut dire par là. Alors justement, je crois qu'intradiégétique, il faut pas, ça ne sert à rien, parce que diégétique, c'est-à-dire ce qui appartient. Moi, j'ai toujours vu c'était écrit comme ça, tu vois. J'ai déjà vu écrit, mais je pense que c'est un pléonasme. On dit extra-diégétique, du coup, pour ce qui sort de la diégèse, et si c'est diégétique, c'est... Chers auditeurs, chères auditrices, nous avons besoin de vous. Alors, départagez, envoyez... En plus, c'est des débats qu'on peut voir plusieurs fois, donc... Voilà. Mais donc, diégétique, au cas où... Mais bon, diégétique, donc au cas où, ça veut dire intégré à l'histoire, c'est-à-dire que... La réalité de la fiction. C'est ça, c'est que quand nous, on l'entend, le personnage l'entend aussi, donc typiquement, si vous entendez une musique dans un film, en général, ce n'est pas diégétique, sauf si ça passe à la radio ou quelque chose comme ça. Et du coup, là, la voix de Sam, il n'y a que nous qui l'entendons. C'est le joueur qui l'entend. Ouais. Donc, c'est pas l'audiologue de l'immersive sim où là, le personnage l'entend aussi parce qu'il a activé une cassette. Mais ça marche parce que, du coup, c'est une mise en scène, en fait. Ouais. Et je trouve qu'il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. En fait. Oui, et puis même, encore une fois, c'est une méthode narrative. C'est-à-dire que c'est juste, hop, on nous donne ça à l'avance par rapport au personnage qui le trouve. Mais pour nous, c'est-à-dire pour l'expérience qu'on vit, eh bien, ça fonctionne. Ça nous permet de vivre cette histoire de manière un peu plus chronologique, de découvrir les événements un peu au fur et à à mesure. Et comme tu le dis, bah voilà, c'est une récompense vraiment. Parce que dans la chronologie, dans la timeline, tu vois que de Kate, le personnage, elle, en fait, quand le jeu s'arrête, c'est le moment où elle découvre le journal intime de Sam. Et après, elle lit toutes les lettres pour du coup savoir ce qui s'est passé. Mais tu vois, ils en parlaient. Ce qui est sympa, c'est que dans la version de Gnome que j'ai faite, ça devait pas être dispo dès le début, mais ils ont rajouté une. T'as une petite option quand tu lances une nouvelle partie où tu peux avoir en fait les commentaires. T'as le jeu de base et en plus, il y a des espèces de petites bulles qui apparaissent, tu sais, façon Clippy de Word. Et tu cliques dessus et t'as un commentaire audio des développeurs. Alors, il y a toutes les personnes qui ont bossé dessus qui font un petit peu part de chacun de leurs tâches. Et ils expliquaient qu'au départ, ben, ils savaient pas trop justement comment marquer un peu la progression. Et ils se sont dit, ben, on va lui faire lire ses lettres. Mmh. Et puis, bon, ben, comme on l'avait dit, faire lire une lettre par la personne qui l'a écrit, c'est un truc qu'on a tous vu des milliards de fois dans les films. Et c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question, tu vois. On accepte tout de suite ce qui se passe. Ouais. Et puis surtout, comme on le disait dans la préparation, c'est que ça donne une force au texte, parce que bon, la voice actrice qui interprète les mots, elle donne quand même beaucoup de puissance, c'est quand même assez touchant, donc c'est une vraie accroche, c'est hyper important en fait qu'on ait ça, parce que ça nous permet de l'écouter elle, quoi. Si c'était Katie qui le lisait, ça n'aurait pas la même force, quoi. L'actrice du coup qui est Sarah Grayson. On la salue. Voilà, qui a fait des voix dans Dragon Age. Dragon Age Inquisition, j'ai vu ça sur sa page IMDB, alors je sais pas si elle était à jour, mais elle a pas mal bossé avec eux. Elle parle beaucoup d'ailleurs dans la version commentary où elle explique un petit peu son travail pour essayer de réussir à bien incarner le personnage, et c'est vraiment fascinant. Donc je vous invite à refaire le jeu juste avec les commentaires, parce que ça rajoute quelques minutes de temps de jeu, parce que Gnome, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ça se termine en 2-3 heures max. Ouais, vraiment, ouais. C'est très dense, mais ça se termine finalement assez vite. Et comme tu l'as dit, son travail sur la voix est essentiel. Et pour moi, enfin, s'il y avait pas ça, le jeu ne marcherait pas en fait. Tu vois, on en avait beaucoup parlé dans l'épisode sur Firewatch, l'importance de faire enregistrer les deux personnages en même temps pour qu'il y ait une vraie sensation que de dialogue et un petit peu de relation un peu complice entre les deux acteurs. Et là, le taf de la doubleuse de Sam, il est magistral, hein, vraiment. Et on se rend compte aussi à quel point beaucoup d'émotions passent par la voix, parce que si on avait trouvé, enfin, il y a certains moments de dialogue de Sam où tu sens vraiment l'émotion, je sais plus, elle parle je crois de Lonnie qui chante dans un groupe, et elle est émerveillée, ça se sent dans sa voix, tu vois qu'elle est hyper impressionnée en fait par le charisme de la fille qu'elle aime, et ça c'est la voix qui transmet ça. Si tu l'avais trouvé à l'écrit, ça peut être bien écrit, tu peux le ressentir évidemment, je vais pas dire que la littérature c'est nul et que ça fait rien ressentir, mais on se rend compte que tout ce qui peut passer dans la voix est quand même, ça peut faire vraiment une énorme différence. Si Gnome, parce qu'on ne rencontre personne dans Gnome, c'est que des écrits et des photos, mais vraiment s'il n'y avait pas eu cette voix de Sam, je pense que je me serais beaucoup moins attaché en fait à l'histoire de cette fille. Tout à l'heure, Benoît, tu disais que c'est un jeu qui était dense, et c'est vrai que tout ce qu'on a raconté jusqu'ici, ça n'allait pas forcément, puisqu'il y a a priori juste cette histoire de Sam, mais en fait, pas du tout. Il y a beaucoup plus de choses dans Gnome, et la deuxième grosse méthode narrative qu'il emploie, et qui est complètement inspirée effectivement des immersive sims de Bioshock, c'est cette fameuse narration environnementale, et c'est vraiment grâce à elle, cette fois, qu'on va pouvoir en apprendre beaucoup plus sur les deux autres personnages vraiment importants de cette maison, qui sont les parents de Katie, tout simplement, Terry et je ne me souviens plus le nom de la mère, donc je me suis lancé. Moi, je l'ai toujours appelé la mère et le père. Tu vois, mère et le père, donc voilà. Ouais, je me suis pas. C'est vrai que j'ai pas appris leur prénom. C'est triste, mais pour l'anecdote, c'est pas forcément nul, tu vois, de passer à son nom, parce que c'est. Je pense qu'elle a quasiment rien écrit dans la maison. Tu vois, tu trouves beaucoup d'écrits de. Si, elle a écrit beaucoup de. Elle a écrit pas mal de choses justement parce qu'ils ont fait écrire la mère de quel. Ça, ils le disent dans la version commentaire du jeu. Ils ont fait écrire beaucoup de mamans. C'est assez rigolo, ils ont fait un casting de maman casting pour écrire de des trucs. Ils ont essayé eux au début de le faire, mais ça marchait pas. Ils ont demandé à la personne qui écrivait d'écrire avec et ça fonctionnait pas non plus. Et ils ont demandé à la mère, alors je crois que c'est la mère de Kate, Carla, qui est la cofondatrice du studio, qui a fait justement une partie des textes qu'elle écrit. Mais encore une fois, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on a fait les préparations, tu vois ce que t'as dit Max, elle a pas écrit grand chose. Moi j'en ai lu beaucoup de choses d'elle, parce que même si le jeu il est très court, on peut passer à côté d'énormément d'informations. Ça, c'est un truc sur lequel je pense qu'on n'a peut-être pas encore assez insisté. On peut passer à côté de beaucoup de ces infos qui sont, comme tu dis, un peu annexes. Et selon les endroits sur lesquels on va un peu plus s'intéresser, comment on va fouiller, on va en apprendre plus ou moins sur ces histoires-là. Et on peut totalement passer à côté et s'intéresser qu'à celle de Sam et Lonnie. Oui, parce que c'est celle qui nous est donnée de manière, on va dire, frontale. Puisque de toute façon, si tu progresses dans le jeu, l'histoire, elle t'est racontée par ces audiologues. Alors que les autres, bah, tu ne les entends pas, on ne connaît pas la voix du père, on ne connaît pas la voix de la mère. Et c'est vraiment en fait en fouillant dans leurs affaires que tu vas pouvoir comprendre que eux aussi ils ont eu des problèmes, que leur vie de couple elle est pas au top en ce moment, même si on apprendra qu'ils vont se rabibocher. On va pouvoir un peu apprendre, parce que finalement Katie elle est partie depuis un moment, et c'est aussi quelque chose qu'on vit quand on vit plus chez nos parents. Parfois tu redébarques et tu sens qu'il y a plus le même amour entre papa et maman. Que s'est-il passé? Et c'est effectivement ce qu'on va essayer d'apprendre, et ça se fait du coup par cette fameuse narration environnementale. Déjà quelque chose d'assez important qu'ils ont vraiment posé les bases, moi je trouve, avec Gnome, c'est comment ils matérialisent en fait les différentes personnalités à travers les pièces en fait. Donc t'as déjà évidemment la chambre de Sam. Dès que tu rentres, tu vois que c'est une chambre d'ado, de teenage girl avec son drapeau pirate un petit peu rebelle. Il y a des cartouches de Super NES, il me semble. Il y a des machins. C'est même super important pour l'histoire, tu vois, parce qu'en fait, elle a rencontré Loni parce qu'elle était fan de Street Fighter, et du coup, elle a croisé ce groupe d'amis qui jouaient à Street Fighter sur une vieille borne. Enfin, tu vois, c'est génial parce qu'ils ont réussi avec ce genre de petits détails à vraiment te donner corps en fait à ces petits personnages-là, parce qu'elle, elle en parle régulièrement hein, de Street Fighter. Il y a un des audiologues où elle parle vraiment de Street Fighter en se disant, je me suis entraîné, tu vois, pour l'impressionner. Tu as même trouvé un petit papier, je crois, avec les combos de Chun-Li. Ah, tu vois, ça, je l'ai pas vu ça. Genre, elle a dessiné, trop cool, c'est quart de cercle. Oui, voilà, excellent. Ah ouais, genre elle a son anti-sèche, tu vois, genre pour impressionner la fille. Parce que à l'époque, dans les années 90, il fallait écrire, tu vois, sur un bout de papier les combos et tout. Comment faire un petit Shoryu, et t'as JV, on pense à toi. Non, mais donc effectivement il y a la chambre de Sam, mais il y a aussi quand même, je pense que quand on rentre dans cette espèce de bibliothèque là où vit le père, donc on rentre d'abord dans son bureau, et puis après il y a cette espèce de grande bibliothèque. Et on sent qu'il est pas au top de sa life en ce moment. Il y a cette espèce de... Il y a les boîtes de pizza qui traînent un petit peu. On voit qu'il y a plein de cassettes qui sont sorties de films des années 80-90. On se dit qu'il doit passer pas mal de temps ici à traîner, à potasser tous ses anciens bouquins, puisqu'on va se rendre compte que lui, c'était un... Un écrivain. Un écrivain totalement qui faisait un peu des romans un peu d'espionnage, qui a connu... Pas un grand succès, mais qui a quand même sorti quelques livres, et puis qui est vraiment en mode... qui est un peu... En fait, il a essayé de transformer l'essai de son premier bouquin qui s'était un peu vendu et qui marchait un petit peu. L'éditeur de l'époque trouvait que les suites ont... Enfin, il en a publié deux. Le deuxième, c'est vraiment pas du tout vendu. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé... Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'en plus, c'est une réalité de l'édition. Ils ont essayé de lancer et d'annoncer tout de suite un deuxième livre en essayant de créer eux-mêmes l'effet boule de neige. Malheureusement, il a jamais eu. Et après, ce qu'on apprend, c'est que le père, il a passé presque toute sa vie, le reste de sa vie, à poursuivre, tu vois, cette espèce de chimère, parce qu'il n'a jamais été connu, il a jamais connu le succès, et il a essayé de le faire malgré tout. Et en fait, on va découvrir qu'au final, il a son job de tous les jours, c'est d'écrire des critiques pour des magazines d'appareils de hi-fi, des platines vinyle, des amplificateurs, des baffles. Il travaille chez les numériques. Ouais, voilà, il travaillait chez les numériques, mais avant le numérique. Il travaillait chez l'analogique, ça s'appelait à l'époque. C'est en partie pour ça qu'il y a plein de cassettes qui traînent et tout, parce qu'il a plein de magnétoscopes. Mais et t'as aussi dès le début avec le père, parce que comme tu le disais, c'est une des premières pièces que tu visites. Mm-hmm. T'es toujours dans cette ambiance un peu horrifique, et avec le père, ça se renforce pour deux raisons. La première, c'est que son roman, c'est l'histoire d'un mec qui veut retourner en 1963 pour sauver Kennedy. Ouais. Et avant que tu comprennes ça, t'as une espèce de grand tableau de Liège, de Liège avec l'assassinat de Kennedy, c'est plein de photos, des trucs, t'as la date 1900, tu dis ok, il est devenu fou. C'est le gif du mec de It's Always Sunny in Philadelphia, là, genre ouais, il y a des trucs partout. C'est Pépé Silva, je crois, c'est le nom du gars. Et aussi la salle qui est dédiée au magnétoscope et tout. Enfin, je crois qu'il y en a un qui a été arraché un peu. Il y a la télé qui est toujours allumée. C'est vrai. Couleurs, tu sais, tu dis, il s'est passé quelque chose, je comprends pas trop. T'as l'impression qu'ils ont fui la maison, hein, parce que tu te retrouves vraiment dans ce lieu qui a été presque abandonné. Mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en lisant tout, tu vas te rendre compte que personne qui vivait dans cette maison n'y était bien. Tu vois, il n'y a personne qui s'est senti bien dans cette maison, que ce soit le grand-oncle ou les parents, et bien entendu Sam. Et un truc qu'il faut noter, c'est que en fait, la grosse distinction qu'il y a, j'ai trouvé, dans la façon de raconter l'histoire de Sam versus celle des autres, c'est que Sam s'adresse directement à Kate, hein, et les autres, en fait, on va devoir comprendre, on va devoir déduire ce qui leur arrive, parce qu'ils ne s'adressent jamais à leur fille. Il n'y a pas un petit post-it sur le frigo du genre « J'ai essayé de tromper ton père, on part en week-end, bisous, maman. » Oui, exactement, parce que du coup, on se rend compte qu'effectivement, le père est dans une... on va dire, un peu une impasse créative. Il court, il a son job qui ne lui plaît pas forcément. Il essaie d'écrire un truc, mais ça marche pas. Il se fait virer en plus, hein, de son job. En fait, il est, il se fait à moitié virer. Enfin, en gros, il écrit de la merde. Il n'arrive pas à faire ses tests. Heureusement, son big boss, c'était un de ses potes du lycée ou de je sais plus où, donc il le pistonne un peu, mais il reçoit une lettre de son manager, de son N+1, qui est super vénère. Le type, il se ferait virer aujourd'hui. Attention, on dit pas ça, hein, c'est pas bien. Et une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il se fait virer, ou en tout cas son écriture leur plaît pas, on y reviendra peut-être plus tard, c'est qu'il a tendance à trop parler de l'enfance ou de parler d'histoires personnelles qui n'ont rien à voir avec... Oui, c'est ça, il reçoit plusieurs lettres, parce que du coup c'est rigolo, tu vois, c'est aussi l'espèce de temporalité qu'on avait à cette époque-là, où en fait, bah, comme il bossait de chez lui, il fallait qu'il s'envoie une lettre, le type le lisait, il lui renvoyait un truc derrière, et 15 jours plus tard, il avait sa réponse en disant « Mais ça, c'était nul ce que t'as écrit, tu vois, tu sens la frustration des gens. » Et il lui demande simplement de dire « Est-ce que le produit, quand tu appuies sur le bouton de volume, ça marche, tu vois, c'est aussi simple que ça. » Et donc, il y a des choses qui nous sont racontées directement par la narration environnementale, comme on disait, avec les pièces, les objets qu'on va y trouver, ou les mots qu'on va lire. Mais dans Gnome, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est aussi le fait qu'on puisse saisir des objets, et donc en découvrir d'autres qu'on pourrait vraiment rater, pas que par le regard, mais par le manque d'interaction. Par exemple, le père, il a un carton où il y a quelques-uns de ses bouquins, et si on enlève les 2-3 premiers bouquins, en dessous, il y a des magazines de charme, en fait. Ouais. On se dit, voilà, le père, on sait pas... D'ailleurs, il y a un commentaire aussi, ça aussi, c'est marrant de nous transmettre la façon dont c'est transmis, mais t'as des commentaires de Katie, donc la fille qu'on incarne, quand elle trouve les magazines de charme, je crois que quand tu mets le curseur dessus, il y a un petit mot en dessous, gross, un truc un peu comme ça. Sachant que Sam, elle en a un aussi. Elle oui, en ça, a piqué marrant, un ouais. à son père, en fait, elle lui a piqué un Playboy ou un Penthouse, je sais pas quoi, et elle fait un petit commentaire de genre, oh, Sam, quand même, t'exagères, tu vois. C'est assez marrant comme ce genre de petits commentaires-là. Il y a un truc qui est rigolo avec les mécaniques de prendre les objets, c'est le développeur Johan Mann, je sais plus comment il s'appelle, ce bon monsieur, qui en parle, c'est que tu peux les reposer à l'endroit. Parce qu'en fait, au début, il y avait pas ça, mais il disait, en fait, dans les premières version du jeu, on prenait les objets et après les gens les jetaient n'importe où et au bout de 5 minutes en fait ça devenait un bordel. Tu te disais mais c'est complètement stupide, la fille elle revient de voyage et elle fout le bordel dans toute la maison, sachant qu'en plus il y a aussi une autre blague par rapport à ça avec les lumières. Moi comme le jeu me faisait peur, j'allumais toutes les lumières à chaque fois que je rentrais dans une pièce et après je les éteignais surtout pas si jamais je voulais revenir, on sait pas ce qui pourrait se passer. Et tu trouves un mot, je crois que c'est dans la cuisine de la mère, qui demande justement à Sam ou à son père d'arrêter d'allumer, de laisser allumer les lumières, il y en a marre, etc. Donc c'est marrant parce qu'il y a ce petit côté un peu méta où les développeurs ils se rendent bien compte que en fait on est obligé d'allumer les lumières. Et en fait désolé, c'est un peu j'ai le fil de ma pensée qui s'est perdu, c'est que le fait d'allumer la lumière c'est pas juste pour vaincre la peur, c'est que ça permet en fait de marquer ta progression, vois, c'est une action en tant que joueur qui est super importante, qui nous paraît complètement anecdotique et banale, c'est comme prendre un tour dans un mais exactement voilà, c'est le meilleur exemple que j'aurais pu trouver et je l'avais pas, donc je prends le tien. C'est comme arriver avec en haut de la tour Ubisoft et quand tu marques toute une zone d'un coup, c'est la même chose, t'arrives, tu appuies, tu tires sur le petit fil, il y a des petits fils partout qui trimballent ou des interrupteurs au mur. Et c'est ce qui te permet de savoir, j'ai découvert une nouvelle pièce, j'en suis là, etc. Parce qu'il y a une carte, évidemment, mais le fait que tu aies allumé la lumière, toi, ça te permet de savoir que tu y allais, tout simplement. Je fais pas mal ça avec les portes aussi, je les laisse ouvertes pour les zones que j'ai visitées, comme ça, visuellement, tu sais, si tu vois une porte fermée, c'est une porte par laquelle t'es pas passé. Et du coup, tu parlais de ces objets qu'on va déplacer, qu'on va prendre, qu'on va pouvoir retourner, et c'est très important, notamment pour découvrir l'histoire de la mère, puisque elle, on va se rendre compte que forcément, son mari, il est dans cette passe, dans cette impasse un peu créative, et elle, leur couple, il bat un peu de l'aile, et elle a notamment, elle aussi, un petit crush sur un mec de son boulot, il me semble, et ça, on va pouvoir le découvrir en fouillant vraiment littéralement dans ses affaires, puisqu'on va devoir retirer des objets pour trouver des petits bouts de papier. Moi, je me souviens notamment auprès de son lit, si on enlève, je sais plus, je crois que c'est un sac à main ou un truc comme ça, un sac, dessous, il y a un petit papier où c'est sa collègue de travail qui lui dit « Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal et tout, et je comprends qu'on puisse être un petit peu tenté, Donc, il y a plein de petits éléments comme ça qu'on va pouvoir trouver effectivement en déplaçant des objets, en disant ah tiens, il y a un truc dessous. À ce qui paraît, on peut trouver une capote aussi. Moi, je l'ai pas trouvé. Moi, je l'ai pas vu non plus. Tiens, je savais pas. Qui est pas forcément lié à la à relation, tout ça, mais voilà. Parce qu'elle a, on sait aussi quand on est dans la chambre que le couple traverse peut-être des problèmes parce qu'elle lit un bouquin justement sur je sais pas, mais oui, comment, à côté des chiottes, il y a un, bouquin non, mais genre, c'est... comment vivre après, raviver la flamme après 30 ans ou un truc comme ça. Du coup, ce serait peut-être plus lié à ça parce qu'on se rendra compte à la fin que la relation. la mère, c'était peut-être juste une fantaisie. Oui, c'était un fantasme, quoi. Ouais, c'est un petit délire qu'elle s'est fait. Sachant que elle-même, dans le contexte, elle est garde-chasse, je crois. Enfin, elle est conservatrice, ouais, d'une espèce de garde forestière, mais un rôle assez élevé. Et en fait, son boulot l'amène de toute façon très loin de la maison. Ouais. Elle est pas souvent là. Donc, forcément, son mari à la maison, il est tout le temps en train de bouffer des pizzas et d'essayer de réécrire le même livre qui a jamais marché. Et par contre, évidemment, de l'autre côté, elle a. Le ranger. Ouais, tu vois, le petit ranger avec sa petite moustache. Chuck Norris. En train de couper du bois. Chuck Norris, si on pense à toi. Mais et donc, en fait, elle va justement se créer cette petite fantaisie où elle s'imagine aller vers tout simplement le fait de tromper son mari. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans la construction de ce personnage, c'est qu'elle ne va pas franchir le pas. Parce que justement, au moment où elle aurait pu. Ils allaient voir Earth, Wind and Fire. Tu vois, c'est des gens de bon goût. Tiens, mais c'est rigolo parce que c'est la génération, tu vois, les années 60, 70, forcément, le côté disco. Même dans les années 90, c'est un peu vieux, je pense. Arrête, moi ma daronne, c'est disco. Moi, j'écoute et j'aime bien. J'assume. C'est pas mal. Aller à un concert d'eux dans les années 90. C'était. Bah oui, c'est sûr que ça aurait été des gens de leur âge qui étaient là-bas. Pour elle, forcément, ça lui rappelait aussi ses jeunes années. Et je trouve ça vraiment très pertinent et très subtil dans la façon de créer ce personnage-là. Parce que vous voyez, on en raconte énormément. Et je le disais dans la préparation en rigolant, on pourrait faire un podcast qui dure 4 fois la durée du jeu. Parce qu'il y a tellement d'informations. C'est des personnages qui sont très bien écrits. Beaucoup de détails, beaucoup de petits indices qui sont laissés, qui nous permettent de vraiment s'imaginer. Sachant qu'en plus, dès le début, à côté du répondeur qu'on trouve au tout début du jeu, il y a également un portrait de famille qui nous permet du coup d'avoir une petite idée, de mettre un visage sur la maman, à quoi elle ressemble Sam, à quoi il ressemble le papa, etc., etc. Non, et puis en plus, dans cette grande maison, on se rend compte de la distance que ces deux personnages ont pris, parce qu'il y a vraiment le daron qui est à son coin, la mère qui a sa petite chambre là où elle peint, elle fait de la peinture, donc on sent vraiment la distance entre ces deux persos, à la fois vraiment par la maison en fait matérialise la distance qu'il y a entre eux, et aussi à travers toutes les petites choses qu'on va pouvoir apprendre, même si finalement on se rend compte que ils sont en fait, au moment où on arrive dans la maison, plus dans une phase de rabibochage, puisque ils sont pas forcément simplement en partie en voyage amoureux, ils sont dans une démarche de thérapie de couple pour que ça aille mieux, tout simplement, quoi. Ah oui, d'ailleurs, je reprends le wagon de tout à l'heure avec l'histoire du concert. Au lieu d'aller au concert, parce qu'en fait elle a vraiment mis en place toutes les possibilités pour se dire, elle avait le ticket, elle avait tout pour aller au concert et donc faire faux bond. Pour l'anecdote, le ticket qu'on trouve dans la cuisine, en fait, tu as un sac à main qui est sur une pile de papier, genre un gros manuel et il est caché en dessous de boulot, et si tu enlèves le sac, la grosse pile de papier, tu as le ticket qui est en dessous. Ah oui, d'accord. Mais je me sais plus, je me rappelais même plus qu'ils étaient cachés comme ça, mais je me souvenais l'avoir trouvé, je m'étais dit, ah mais du coup elle avait voulu aller au concert, et en fait à la place d'aller au concert, elle a décidé d'aller à un premier rendez-vous avec un thérapeute de couple, son mari, et de se dire finalement, je vais essayer de raccrocher le wagon plutôt avec mon mari plutôt qu'avec cette nouvelle personne. Et je trouvais que ça apportait d'un coup, déjà que les thématiques globales, on y reviendra, de Gnome, elles sont quand même assez sérieuses, assez dramatique. Là, ça rapportait beaucoup de richesse à ce personnage-là, parce que j'aurais trouvé ça limite facile, tu vois, que ça soit la femme adultère, c'est un truc un peu clicheton. Là, finalement, c'est la nana, au contraire, elle essaye de sauver son couple malgré tout, et le père de son côté, lui, il a une petite, tu vois, une petite bonne nouvelle qui fait que lui aussi, un peu, son histoire, elle remonte un petit peu. Oui, parce que, du coup, après, on apprend que le père a été contacté par une espèce de maison d'édition qui voudrait ressortir ses anciens bouquins, et du coup, c'est déjà une rentrée d'argent, c'est une nouvelle opportunité pour lui. Il entrevoit à travers cette nouvelle édition, peut-être de pouvoir, ça y est, présenter à quelqu'un qui comprend ce que lui il fait et pouvoir écrire quelque chose. Mais finalement, ça se terminera pas comme ça, puisqu'il refuse un nouveau manuscrit. Ils veulent simplement se concentrer sur l'édition de ses anciens bouquins. Mais ce que je trouve vraiment réussi, je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure, Benoît, c'est que effectivement ils arrivent à nous donner de l'empathie pour ces deux personnages, c'est-à-dire que on arrive à comprendre le parcours de on arrive à comprendre leurs histoires, et en fait il y a pas de méchant, c'est vrai qu'on les juge pas, c'est ça, exactement, il y a pas de jugement, on les ouais, c'est vrai qu'il y a pas de manichéisme, on se dit pas elle est méchante, lui il est gentil, le pauvre loser écrivain raté. Et ça témoigne vraiment, je trouve, d'une vraie maturité dans l'écriture finalement, et d'arriver en plus à nous amener à cette conclusion, à comprendre la perspective de la mère, comprendre le personnage du père, comprendre comment Sam aussi elle évolue. Je trouve que ça c'est quand même vraiment une réussite, et en plus c'est pas facile parce que bah il nous le donne par des petits objets, par des trucs environnementaux. Ouais, c'est très parcellaire, hein. C'est vraiment des indices qu'on va devoir relier les uns aux autres en se disant ah oui mais alors elle on va trouver par exemple des notes de frais, on va trouver une lettre où elle va avoir en fait elle-même pistonné son crush pour qu'il puisse bosser dans la même forêt qu'elle. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça, et c'est un jeu qu'il faut presque refaire, ou alors il faut prendre des notes au fur et à mesure pour vraiment relier tous ces petits trucs-là. Petits points, oui, et c'est un jeu où tu te dis, bah oui, ça dure que 2 heures ou 3 heures, mais en fait, ils ont écrit énormément de choses. Et je pense que c'est pour ça qu'on avait cette espèce de fausse impression qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit, tu vois, par exemple, de la part de la mère, et en réalité, il y a beaucoup de petits mots. Et pour le personnage du père, l'autre truc, bah, du coup, c'est la dernière histoire qu'on découvre, c'est celle du grand-oncle, où là, qui lui a laissé la maison en héritage après son suicide. Et ça permet de, encore une fois, rajouter beaucoup de crédibilité et de côté dramatique dans la vie du père, parce que c'est pas très rigolo. Qui c'est qui veut le raconter? Parce que moi, je trouve ça pas très marrant. Vas-y, Max, c'est toi. Max, vous voyez, c'est l'homme de la situation. L'oncle du père, en fait, il y avait plein d'indices qui étaient laissés jusque-là, mais on apprend. En tout cas, on s'en doute. Je crois pas que ce soit écrit noir sur blanc dans le jeu, mais l'oncle du père l'a agressé sexuellement dans sa jeunesse. Et du coup, et tout de suite, là, on se dit, tout ce traumatisme, en fait, il a accompagné la vie du père, qui a vraiment essayé d'exorciser ça en fait par l'écriture. Ça explique pourquoi est-ce que son héros revient en 1963, parce que ce qu'on peut voir dans la cave, c'est que ce qu'on comprend, c'est que cette maison, il y allait quand il était jeune, il y avait donc son oncle qui y vivait, et il y a sur les murs, c'est des petites fentes faites genre au couteau ou au feutre pour mesurer la taille d'un enfant, et ça s'arrête brutalement genre en 1963, donc quand il a 12 ans. On se dit que voilà, en fait, il a arrêté d'y aller quand il avait 12 ans, parce qu'il s'est peut-être passé quelque chose en 1963. On se doute que c'est la date où il s'est passé quelque chose. C'est d'ailleurs le code, je crois, du coffre. Qui est juste à côté. Hein, voilà. C'est vraiment, il est à 2 mètres de là, et tu trouves des notes. Je crois que c'est ce qui te permet. Je crois que tu as une note de suicide d'Oscar. Tu trouves des informations et tu comprends qu'effectivement, Oscar, l'oncle, a été. Alors, il s'est fait choper. Tu vois, c'est pas un truc qui est resté sous silence. Ça a été, est-ce que c'est le père qui s'en est plaint à ses parents? Est-ce qu'ils l'ont surpris pendant l'acte? On ne sait pas. Il s'excuse auprès de sa sœur, qui serait la mère du c'est père. Ça, du coup, il a écrit toute une lettre et on comprend qu'en fait, tout le reste de sa vie, de toute façon, il a été stigmatisé pour ça, parce que il s'est fait isoler par sa famille. Ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais également par la communauté, tu vois, les gens de la ville l'appelaient le fou, c'est pour ça que c'est devenu la Psycho House, la maison du taré. Je sais pas à quel point il pouvait savoir, mais en tout cas, il avait un magasin, alors je sais, tu vois, c'est des détails, je me souviens qu'il avait un magasin et qu'il a dû le fermer, en fait, parce que justement, plus personne n'y venait, à cause justement de cette histoire-là. Et au début, je me suis dit, mais c'est bizarre, moi, pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on en parle, je pensais qu'en fait, c'était parce que l'oncle était gay, lui aussi, et que du coup, il avait été découvert et qu'il avait dû se suicider à cause de ça. Et finalement, c'est pas le cas. Moi, j'avais pensé ça parce que on sait que Sam et Lonnie ont fait pas mal de séances de pseudo-spiritisme où elles essayaient d'invoquer, tu sais, on trouve une table de Ouija, le fameux truc où elles tiennent avec leurs mains et ça donne des lettres et ça permet de faire parler les esprits. Et on trouve également donc l'avant-dernière pièce du jeu où on trouve carrément un pentagramme avec la photo de l'Oscar. Ouais. Et je me suis dit que comme elles vivent la découverte, tu vois, de leur identité sexuelle, elles se sont peut-être voulu se rapprocher de cette grand-oncle-là. Et ce que je me dis, tu vois, je continue de réfléchir en même temps que parle. Ça devient compliqué. C'est que comme nous, on découvre la réalité de l'agression que grâce au code dans le coffre et tout, je pense que Sam pense également que son grand-oncle était gay et elle ne sait pas pour l'agression du père, tu vois. C'est possible, en tout cas, comme je disais, je crois pas que ce soit écrit. théorie. Ah ouais, j'étais parti loin, désolé. Mais en tout cas, ouais, comme je disais, je crois pas que ce soit écrit vraiment noir sur blanc. Par contre, j'avais lu un article d'un journaliste qui avait tweeté à Steve Gaynor pour lui demander si c'était vraiment ça. Et Steve Gaynor, il dit, ouais, moi, quand j'ai écrit Gnome, j'avais en tête que l'oncle avait agressé le père. Après, voilà, t'as d'autres interprétations, y a pas de souci. Mais tout ça nous explique, Merci, que, Max, ça me rassure. Y a pas de quoi. Mais ouais, tout ça nous explique pourquoi donc le père, en fait, il écrit une histoire où un héros veut retourner en 1963 pour sauver Kennedy. Il y a un peu ce rapport-là. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais semé la petite graine où dans ses reviews d'électronique, en fait, il parle de son enfance beaucoup. Et alors que ça n'a pas sa place, c'est parce qu'il essaie vraiment d'exorciser tout ça. Et vous le disiez, il n'y a pas de méchant ou de gentil dans cette histoire, parce que c'est que des drames, en fait. Le père, il a vécu ça. Il y a aussi, bah, comme tu le disais, son histoire où ses bouquins sont réédités. Ça lui a donné la force, le courage d'écrire un troisième bouquin, alors qu'il avait perdu un peu la foi. Sachant qu'en plus, c'est un bouquin sur lui. Cette fois-ci, tu vois, il se met lui-même en tant que héros. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on fouille vraiment toute la baraque, il y a des cartons de bouquins partout. Il n'en a pas écrit deux des bouquins, il en a écrit trois ou quatre. Tu vois, ça s'appelait tout le temps The Accidental, chose. Il a essayé de chercher d'autres titres, on trouve des feuilles quand ils sont jetées dans les corbeilles où on voit qu'il a essayé de chercher d'autres titres, mais à chaque fois il revenait à le tueur accidentel, le sauveur accidentel. C'est vraiment typique des romans un peu pulp comme ça, ouais, c'est ça où hein. les auteurs ils en sortaient des centaines et des centaines avec des petites variations, c'était un peu toujours la même histoire, mais voilà. Et il a essayé d'en faire plusieurs, et à la fin tu trouves le dernier carton où avec ce fameux manuscrit où c'est The Accidental Human, tu vois, ou un truc du genre. Et là, en fait, il disait que dans la lettre qu'il envoyait à cette fameuse nouvelle maison d'édition, qu'il s'était senti une envie de faire un peu un truc autobiographique. Et que c'était lui, il voulait se placer lui en personnage. Donc, moi, ce que je trouvais sympathique, c'est que ça donnait quand même une petite conclusion à son histoire, qui serait peut-être un peu positive, en se disant, bah, même si il est toujours un auteur raté, il a quand même peut-être réussi à passer une partie de son traumatisme d'enfance grâce à cette nouvelle maison d'édition. En fait, quoi. Tous les personnages ont vraiment des arcs narratifs de manière tout à fait classique, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, dans la maison, ça nous permet on arrive à en apprendre suffisamment pour vraiment faire vraiment un point de départ, c'est-à-dire ok, je suis un auteur raté, l'espoir de pouvoir faire quelque chose, passer éventuellement outre cette espèce de trauma, la mère qui se fantasmait un peu le truc parce qu'elle s'embête dans son couple, et puis qui finalement va décider, prendre cette décision d'essayer de rabibocher les choses. Et juste pour la mère, parce que je disais que c'était tous un drame, mais je pense que l'histoire de la mère, elle est aussi dramatique, puisqu'on apprend que le ranger sur qui elle fantasmait, il l'a invité à son mariage. Oui, il se marie oui, en fait vrai, avec oui, quelqu'un vrai, d'autre. Et du c'est coup, ça quand finalement tu vois qui ça, bascule d'ailleurs. Bah le truc, ouais, c'est ça. En fait, il l'avait invité à son mariage et s'est même mis sur le calendrier dans la cuisine et elle a mis une croix au final parce qu'elle décide de partir avec du coup son mari à cette thérapie de couple. Et en fait, même la mère, tu dis, elle a fantasmé, mais sur un mec en fait qui était pas si intéressé par elle, quoi. Et finalement, on peut peut-être aller dessus, mais c'est vrai que c'est ce qui différencie Gnome quand même à l'époque, en 2013, toucher des sujets aussi intimes. En plus, bon, bah, c'était un walking simulator, mais déjà, rien que ça, sur ces thématiques, c'était quand même hyper audacieux de parler de ce genre de choses, d'aller de parler d'homosexualité, parler d'abus domestiques comme ça, de parler aussi de vie de couple. Enfin, je veux dire, c'est pas souvent dans les jeux vidéo, on nous parle plutôt de début d'histoire d'amour. Je pense d'ailleurs au jeu Haven là, de Game Bakers, où là, effectivement, c'est aussi une histoire d'amour qui est depuis longtemps. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, ils ont touché plein de choses qui étaient vraiment assez uniques. Quoi, et qu'ils le sont d'ailleurs toujours encore assez quoi. Et c'est pour ça que le jeu, je pense, il est encore très pertinent aujourd'hui, parce que même si d'un point de vue visuel, on l'a dit, hein, c'est un jeu qui a été développé avec beaucoup de contraintes financières essentiellement, hein, donc ils ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens du bord, ils sont arrivés parce que justement ils avaient cette expérience chez Touquet qui leur permettait de dire ben, ça on garde pas, ça on en a besoin, ça on en a pas besoin, et qu'au-delà de ces contraintes-là, je pense que ce qu'ils ont voulu faire, c'est de démontrer tout leur envie de raconter quelque chose de différent avec du jeu vidéo, et du coup ils ont, en se disant peut-être que c'est la dernière fois qu'on pourra faire ça, parce qu'ils avaient quand même une, tu sentais je pense dans les interviews que vous avez pu faire ou on a pu lire, on sent quand même qu'ils étaient pas non plus assurés à l'avance que le jeu allait fonctionner, parce que bah forcément ils faisaient une proposition qui était assez on va dire peu conventionnelle, et donc je pense qu'ils ont voulu mettre beaucoup de choses dedans, et ça donne un jeu qui finalement fonctionne grâce à ça. Et je trouve ça toujours très intéressant, parce que les craintes comme ça des développeurs parfois vont faire de bonnes ou de mauvaises choses, donc c'est un peu évidemment facile de, tu vois, c'est un peu un truc de normand de dire des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Mais là en l'occurrence, ça donne quelque chose de très riche, parce que un jeu qui aujourd'hui aborde autant de sujets du quotidien et de la réalité de la vie des humains qui sont crédibles, parce que c'est des vrais personnages, tu vois, c'est ce qu'on a dit, ils sont très bien écrits, ils ont des vrais problèmes, ils ont des vraies solutions à apporter à tout ça, et ils ont pas des dilemmes à base de est-ce que je sauve le monde ou est-ce que ça, je récupère d'abord une épée, tu vois, c'est des trucs un peu plus intéressants, un peu plus intimes, un peu plus adultes, et puis sur lesquels on peut se projeter en fait. Exactement. Oui, parce que comme tu disais, on a l'habitude de sauver le monde dans le jeu vidéo, mais nous, nos drames ou nos tragédies, bah, c'est un peu ce que vivent ces personnages-là. Et encore, tu vois, l'histoire de Sam, par exemple, moi, j'ai pas du tout, je suis pas concerné par ces problématiques, mais ça te rappelle aussi que c'est des histoires qui existent vraiment. Parce que ça, on l'a pas dit, c'est un peu paradoxal, parce que c'est l'histoire dont on a le moins parlé, parce que c'est la plus frontale. Si vous avez fait Gnome ou si vous êtes renseigné dessus, c'est l'histoire principale, entre guillemets, et on s'est plus attardé sur l'histoire du père, de la mère, parce qu'il y a beaucoup d'informations d'informations en fait à recouper entre elles. Mais Sam, elle parle à un moment du moment où elle fait son coming out auprès de ses parents, et elle dit en fait ils étaient pas en colère ou quoi, mais ils étaient dans le déni. Ouais. Vraiment, ils lui ont dit, ils ont rejeté tout ça, ils ont dit non mais t'as pas encore rencontré le bon garçon, c'est juste une phase. Alors que elle voyait Lonnie, tu vois, qui venait à la maison, enfin elle savait très bien que c'était pas qu'une phase. Et les parents lui ont interdit, ils lui ont dit, je crois, non, à chaque fois que Lonnie vient maintenant vous laissez les portes ouvertes, tu vois. Donc elle a vécu ça, et c'est vrai que ça te ramène un petit peu à une réalité que nous on n'a pas forcément connue, mais c'est une tragédie à son échelle, le fait d'être quand même rejeté, d'avoir une partie de ton identité qui est rejetée par ta famille, c'est un truc, c'est tragique. Et on le disait aussi, le père il a vécu sa tragédie, il en a vécu un peu même plusieurs, enfin c'en est une qui l'a hanté en fait à plusieurs niveaux, ouais. Et qui fait que bah, toute son écriture et tout fait que ça ne réussit pas. La mère elle a fantasmé sur une histoire d'amour d'un mec qui au final n'était peut-être jamais intéressé par elle. Bah non, c'est pas sauver le monde, mais c'est, il y a beaucoup de gens qui vivront beaucoup moins que ça dans toute leur vie en fait. Bah moi ça m'a vraiment on va dire éclairé, parce que bah, aujourd'hui effectivement c'est des choses qu'on va être, on va être un peu plus sensibilisé, tu plus vois, exposé à ce genre de choses. Voilà, ces histoires de coming out, à la difficulté, tu vois, au fait que les gens devaient se cacher, etc. On apprend avec le temps à découvrir un petit peu ces histoires là et d'apprendre ça via la voix de Sam dans les années 90, ça donnait justement un contexte qui était assez crédible. Et il y a plusieurs audiologues justement qui sont bah, vraiment symptomatiques de ça, tu vois, quand elles se barrent toutes les deux dans la forêt, où elle insiste beaucoup sur le fait que y a sa professeure qui lui dit qu'il fallait qu'elle reste dans le rang, qu'elle rentre dans une case, ouais, ou un truc comme ça. Tu vois, c'est, tu sens en fait que elle-même, elle est en train de, elle est dans son adolescence, donc elle est en train de se définir en tant qu'être adulte, et on est en train de l'empêcher, ouais, ouais, de faire ça. De brimer, et tu sens cette espèce d'horreur qu'elle, ouais, vit. Et je trouve ça particulièrement brillant de la part de l'équipe de Gnome, parce que comme vous le dites, nous autour de cette table, on ne connaîtra jamais ça puisqu'on est dans la norme, comme on dit, tu vois, on est hétéro. On est des hommes, donc a priori on a le mode facile de la vie. Je crois, ouais. Mais du coup on a une petite expérience, tu vois, on a un petit, une espèce de petite fenêtre sur qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire d'être homosexuel quand on est une jeune fille dans les années 90, comment on va être rejeté, comment on va être regardé, comment on va découvrir, tu vois, des choses toutes bêtes. Quand elle parlait, tu vois, de son concert, elle lui a fait une chanson, ça l'a émue, elle en peut plus, enfin tu vois, il y a beaucoup de choses très touchantes dans ce qu'elle raconte. Et évidemment la fin, moi j'étais, tu vois, j'avais limite des larmes parce que j'étais là, mais non, elle va partir à l'armée et tout, tu vois, c'est dégueulasse. T'es là, mais non, ils vont pas nous faire ça, c'est pas possible, il va se passer un truc. Et il se passe un truc, et j'étais super soulagé. Parce qu'en plus, évidemment, dans le grenier, c'est son lieu à elle. On le découvre très tôt. Y a des lumières rouges qui indiquent qu'elle est en train, parce que elle en a fait une chambre noire pour faire du développement d'argentique, hein, parce que du coup, il n'y a pas encore de numérique. Et il y a des photos qui sont extrêmement touchantes. Je sais pas si vous, les, si vous avez un souvenir, où tu vois, ça va être leurs deux mains qui se touchent, le regard de Lonnie en gros plan, leur fameux petit bijou, parce que c'est pareil, tu vois, ça fait partie de ces milliers de petits détails du jeu où elles se sont fait un petit bijou chacune, elles ont une moitié de petits cœurs, et quand tu mets les deux petits cœurs ensemble ça fonctionne, ça reste des ados, ça reste des ados, mais c'est, tu vois, ça marche toujours, ce genre de truc. Et un petite anecdote rigolote sur ce truc là en fait, eux ils savaient pas dessiner, l'équipe de Fulbright, ils avaient personne qui était capable de faire des beaux dessins, et du coup la Carla elle disait que elle se leur a pris des mois d'avoir un truc sympa, et donc ils ont cherché quels pourraient être des sujets de photographie qui illustreraient à merveille leur relation, tu vois, montrer l'amour de l'un pour l'autre sans qu'on voit simplement leur visage. Et il disait qu'en faisant ce travail là il s'était rendu compte que finalement c'est pas en faisant des selfies et juste des photos de l'un et l'autre, l'un à côté de l'autre, que ça fonctionnait, c'est vraiment ce genre de petites photos qui montrent vraiment des petits moments d'intimité, des petits moments qui ne leur appartenaient qu'à elles deux, et que bah évidemment elle voulait garder, Sam elle la gardait pour elle, puisque les photos, même si elles sont déjà développées, elles n'étaient pas dans sa chambre, elles étaient dans son lieu à elle, qui était son seul espace où elle pouvait s'assumer, en fait. Et d'ailleurs qui est vraiment le truc auquel on veut accéder très rapidement, puisque c'est le grenier et c'est fermé, il y a ces lumières comme tu dis, c'est vraiment la chambre du boss en fait qu'on pourrait avoir dans un jeu où il y a de l'action et compagnie, mais sauf que là bah on va pouvoir découvrir bah voilà, c'est ce petit refuge en fait qu'elle a avec ce truc d'argentique, quoi. Et un truc que j'avais trouvé absolument fascinant et que je m'en suis rendu compte en refaisant le jeu, c'est que ils ont utilisé l'espace de plein de manières, on en a parlé tout au long de l'épisode, et ils l'ont utilisé d'une manière que j'ai trouvé extrêmement maligne, c'est que la distance qu'ils vont nous mettre entre deux révélations nous permet de ressentir énormément ces émotions. Là, le passage que je vous disais où on savait que Lonnie allait partir à l'armée et que ça s'arrêtait là, cet audiologue, avant qu'on arrive enfin à trouver la clé qui permette d'aller dans le grenier, on va passer un certain chemin, parce qu'on est obligé de retraverser l'intégralité de la maison, et cette distance-là ne fait qu'accentuer notre attente, tu vois, parce que si c'était juste, tu te tournes là, ah bah elle est pas là, et hop, juste à côté, il est, non, c'est bon, en fait, elle est là. Ouais. Tu vois, ça aurait fait une espèce d'ascension émotionnelle où t'aurais pas eu le temps de vivre ton émotion de, oh, merde, ça marche pas. Et j'ai trouvé ça très malin, parce que bah, la maison, elle est pas si grande que ça, mais ils utilisent l'espace pour nous laisser le temps de vivre ces émotions. Et ça, ne, ça justifie, encore une fois, bah, l'usage de la voix de Sam, parce que, bah, on a vraiment cette empathie pour elle et on vit les émotions en même temps qu'elle. Mais c'est fort parce que pour maîtriser le rythme comme ça grâce au level design, ça, bah, pour moi, c'est l'école BioShock, c'est l'école Immersive Sim, tu vois. C'est savoir gérer les distances, comment les gens vont se déplacer, la navigation, et pouvoir gérer ça avec le rythme, c'est quand même assez fort. Et ouais, c'est quand même une vraie réussite, même d'un point de vue formel, en fait, la maison, comment elle est foutue. C'est-à-dire, comment tout est disséminé, comment tu vas découvrir les choses dans un certain ordre, comment ces distances, elles vont impacter sur le rythme et les émotions par lesquelles tu vas passer. Ça, c'est quand même une vraie réussite. Et c'est pour ça, c'est un jeu, tu vois, quand tu le prends un peu comme ça, il peut paraître un peu bancal, il n'y a pas un gros budget et compagnie, mais en fait, il y a une maîtrise à plein de niveaux et qui est vraiment bah, purement vidéoludique, quoi. C'est vraiment des codes du jeu vidéo qui sont utilisés pour que ça marche, quoi. Et on peut en revenir à ce qu'on disait sur les Walking Simulator, c'est que c'est ça, c'est que c'est plein de codes en fait qui sont du jeu vidéo, qui sont très traditionnels du jeu vidéo, mais qui sont utilisés de manière différente pour raconter des histoires différentes. Quand on parlait, tu vois, de l'interaction qui te permet de découvrir des objets, ça, ce sentiment de se dire, j'ai découvert un objet caché qui m'en apprend sur un personnage et j'aurais complètement pu le rater. Tu vois, c'est autant dans les films, tu peux avoir un petit peu ce côté, ou dans les bouquins, tu vois, se dire le héros, il va trouver un objet qui lui apprend quelque chose. Toi, tu peux le comprendre et un autre spectateur ou un autre lecteur peut passer à côté, tu vois, de ce lien. Mais le fait de toi l'avoir trouvé et de se dire, bah, c'est moi qui l'ai trouvé et c'est moi qui en plus fais le lien, ça, c'est un sentiment du coup qui est vraiment unique, quoi. Ouais, et c'est quelque chose qu'on peut avoir que dans du jeu vidéo, parce que cette distance se fait de parcourir le chemin soi-même, de devoir traverser, parce qu'on peut pas courir, il n'y a pas un bouton sprint, tu vois, Kate, elle va pas se mettre à courir d'un coup pour aller voir ce qui s'est passé dans le grenier. C'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir de la même manière dans les autres médias. Tu vois, dans le cinéma, on pourrait avoir des silences, on pourrait avoir des longs travelling, des moments de pause, etc., des longues respirations, mais il y a un format, tu vois, on est toujours dans 90 minutes. Donc il faut quand même, tu vois, il faut ménager ce genre de passage-là. Dans une série, on pourrait éventuellement, dans un bouquin, ben, les lettres, elles s'enchaînent, hein, à moins de faire 4 pages blanches. Mais il y a eu des techniques, tu vois. Par exemple, il y a Pennac, quand il écrit des dialogues, il a fait comme le mec de Bref, tu vois. C'est, il va mettre des lignes de dialogue avec des tirés et il y a que des 3 petits points de suspension pour montrer au lecteur le temps, qu'il y a un silence entre les deux personnages. Et donc, ils ont réussi à trouver des solutions. Mais dans le jeu vidéo, on le vit, ce truc-là. Et un truc sur lequel je veux vraiment insister auprès des personnes qui nous écoutent, c'est que ce qu'on vous dit là sur le côté distance, level design, etc., c'est pas au pif. C'est quelque chose qui était prévu. Ouais, vraiment, C'est vraiment un truc sur lequel ils y ont pensé, ils ont maîtrisé ça. On le dit à chaque épisode, il n'y a pas de hasard, tu vois, dans un jeu vidéo, le hasard. Bah, des fois, ça arrive qu'il y ait un petit accident et que ça soit, tu vois, genre, oh, on a découvert le Coca-Cola. Tu vois, ça peut arriver que ça fonctionne un peu comme ça. Mais la plupart du temps, c'est évidemment de la réflexion. Beaucoup de playtests, ils ont dû énormément jouer à leur propre jeu pour se dire, bah, est-ce que ça marche? Les dimensions de la maison, ils les ont modifiées, les dimensions des chambres et tout, c'est des choses qui ont bougé et qui ont été mouvantes tout au long du développement pour justement, ouais, arriver à que ça clique, quoi, et que ça fonctionne. Et c'est un jeu qui est arrivé dans un contexte où bah, les Walking Simulator commençaient à se faire connaître. Gnome, on l'a dit, c'est 2013, l'année d'avant était sorti Dear Esther ouais. Et Proteus aussi, qui s'est sorti en 2013, mais début d'année, je crois. Et c'est des jeux qui ont lancé le débat du bah déjà le terme Walking Simulator, qui était péjoratif au début, parce qu'on a eu je crois que c'est Surgeon Simulator, tu vois, qui est sorti début d'année. Et puis c'est aussi le foutage de gueule, genre on fait quoi dans ces jeux? Bah on marche, tu vois, par rapport au first person shooter où on fait des vraies choses, on tue des gens, voilà. Et là il y a une, tu vois, une partie des joueurs qui ont dit, mais c'est quoi ce jeu à 20 balles qui dure 3 heures, qui me raconte l'histoire d'une fille en fait qui est lesbienne, je m'en fous, tu vois. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu cette réaction là et du bah c'est pas des jeux, parce que y a pas, en général, t'es pas bloqué ou tu peux pas mourir, donc il y a pas d'XP. Ouais. C'est vrai que tous ces codes là, et encore en plus, enfin, quand on parlait avec Steve Gaynor qu'on disait ça, c'est que il y a quand même une sorte de challenge, c'est-à-dire que l'histoire du père, l'histoire de la mère, il faut être bon à Gnome, c'est-à-dire qu'il faut être bon à chercher les objets, remettre les informations les unes entre elles. Donc il y a une forme de challenge. Le truc, c'est que cette forme de challenge, elle est pas frontale, tu ne la vois pas tout de suite. Il faut vraiment comprendre le jeu, aller chercher dans ces différentes couches pour pouvoir comprendre ça. Mais c'est un jeu vidéo, moi, que je trouve assez traditionnel, mais voilà, il n'y a pas les trucs hyper frontales, genre l'XP, les combats, la chambre qui se bloque et le monstre qui rentre, et ça y est, il faut le buter. Il n'y a pas tout ça, ouais. Mais ce que disait Max pendant la préparation, je ne sais pas si tu te souviens, tu avais dit un truc qui était très malin, c'est que tu peux devenir bon Agonome. Ouais, et ça, je trouve que c'est très important de le souligner, parce que bah, la première fois que tu vas découvrir cette fameuse clé sous le canard au début, là, sous le Porsche, après, tu vas commencer à plus fouiller, et il y a pas mal de choses que vous m'avez racontées pendant la préparation, ou même là, pendant l'enregistrement. Moi, j'étais complètement passé à côté de ces objets-là. Bah, donc c'est-à-dire que, tu vois, on pouvait Guide Good, on peut Guide Good dans Agonome, et pourtant, ça reste un jeu. Tu vois, le speedrun du jeu, étant donné qu'on peut accéder au passage secret dès le début, c'est 1 minute 20, tu vois. Donc moi, je suis vraiment ravi d'avoir fait ce jeu-là, parce que je me dis, effectivement, ils nous ont montré absolument que bah, la narration en elle-même, c'est un truc qui est vraiment spécifique au jeu vidéo. Le jeu vidéo a une manière de raconter les choses et surtout de nous les faire vivre qu'on ne peut pas avoir dans un autre média. Et on peut jouer avec, on peut en faire du jeu, on peut en faire quelque chose de ludique, quoi. Après, il faut faire attention à ne pas non plus tomber dans le discours du bah, puisque Gnome utilise des codes, je sais pas, de l'immersive sim ou va utiliser son level design, c'est du jeu vidéo, parce que ça pourrait sous-entendre que Proteus, par exemple, ce n'est pas du jeu vidéo, ou que D-Rester, c'en est pas un, parce que pour le coup, alors j'y ai pas joué, parce que moi, D-Rester, je sais que c'est un jeu que je trouverais chiant, tu vois, j'ai regardé des bouts de let's play. Allez, non, mec. Non mais y a pas de souci, on a le droit de pas aimer. T'as pas joué un jeu et tu juges déjà, ça m'énerve ça. Non mais pour le coup, D-Rester, tu vois, si je devais dire ce que moi je ressentirais, bah t'es un peu t'es pas sur des rails, mais y a pas beaucoup de chemin alternatif. Ce qu'on te lit, ça va être comme si t'avais que l'histoire de Sam en fait, et que c'était pas des choses que tu pouvais rater, il me semble. Alors que dans Gnome, moi ce que j'avais beaucoup aimé, c'était toutes ces histoires que toi tu devais fouiller, dans lesquelles tu t'impliquais beaucoup plus. Mais ce que nous montrent les Walking Simulators, c'est que bah, le jeu vidéo peut tout simplement raconter des histoires en fait, et c'est devenu un genre, hein. C'est pas pour rien que c'est le troisième Walking Simulator dont on parle quand même, dans Fin du Game. On a pu parler de Firewatch, on a pu parler de What Remains of Edith Finch, et l'objet c'est pas de dire que c'est des jeux qui ont un gameplay incroyable, même si on a pu le voir bah, avec tous les jeux cités, il y a quand même clairement des codes du jeu vidéo qui sont derrière, mais c'est des jeux qui parle aussi de thématiques beaucoup plus humaines. C'est pas sauver le monde. Vous savez, Firewatch, bah c'est le dialogue entre deux personnes. What Remains of Edith Finch, alors la famille, la vie, la mort, enfin c'est pas rien. Et Gnome, là, ça nous raconte quand même des histoires très personnelles de membres d'une famille. Et c'était péjoratif au début de dire Walking Simulator, mais très vite on s'est rendu compte que c'est pas marché qui fait le jeu. Non, oui, clairement pas. Ça te raconte des histoires sur les gens, ça peut utiliser de codes de jeux vidéo, et bah maintenant c'est complètement accepté. Et du coup, aujourd'hui, c'est complètement accepté, ouais. C'est ça qui est génial. Bah, du coup, il y avait tout un article où justement, c'est un site qui s'appelle Killscreen qui aime bien challenger des termes comme ça, et qu'on demandait à plein d'auteurs de jeux vidéo ou d'auteurs tout court de ce qu'ils pensaient, est-ce qu'ils étaient pour ou est-ce qu'ils étaient contre. Alors évidemment, c'est une question un peu bateau, mais ça permet de développer un peu le truc. Et tous ceux qui sont pour, c'est que justement, ils trouvent ça rigolo que l'usage. Tu vois, la volonté au départ. Moi, je suis plutôt de ce pan-là, effectivement. Je pense qu'au début, c'était péjoratif, et je trouve ça cool, finalement, que le terme, les gens qui aiment ça, on se les réapproprié, et on a pu prouver vraiment, effectivement, de tous les jeux qu'on a parlé, des Walking Simulator dont on a parlé dans l'émission, qu'on peut faire des choses vraiment hyper importantes, même, avec ce genre Et maintenant, c'est même positif, parce que je me dis, je vais faire un Walking Sim, tu vois, je vais me mettre tout de suite dans le mode de, je vais être sur mon canapé, ça va durer une après-midi, je vais avoir mon petit thé, tu vois, et je vais avoir une petite histoire, un truc simple, mais on va bien me le raconter et on va me le faire avec des codes de jeux vidéo. Et du coup, de ce terme qui était au départ une volonté de se moquer d'un style, bah en fait c'est devenu simplement une vraie réalité. Et oui, ces jeux-là, ils sont tout aussi pertinents, et c'est évidemment du jeu vidéo. Heureusement, on n'est plus en 2013, donc ce genre de questions stupides n'ont plus lieu d'être, mais c'est évidemment que c'est du jeu vidéo, tu vois, je veux dire... Bande d'abrutis. Surtout que tu vois, t'as absolument le droit de ne pas aimer les Walking Simulator, ça y a pas de souci avec ça, mais en fait le fait d'aller jusqu'à rejeter que c'est du jeu vidéo, pour moi il y a un gros piège en fait, dans le sens où tu n'acceptes pas que le jeu vidéo ce soit de l'art ou des œuvres culturelles, puisque pour moi, par définition, tout ce qui est artistique, il y aura forcément des choses qui te plaisent pas. C'est bon pour le jeu mec vidéo. Il est ouvert d'esprit là. Oh là là, ça m'énerve, moi, ça m'insupporte. Le fait qu'il y ait des jeux ou des genres de jeux qui ne te plaisent pas, pour moi ça prouve la richesse du truc. C'est normal, enfin moi je serais terrifié si demain j'aimais tout, tu vois, littéralement tout, ça voudrait dire pour moi que c'est assez pauvre en fait. Et ça moi j'aime pas les 4X et je trouve que c'est pas du jeu vidéo. Voilà, je suis désolé, je le dis. Bah c'est surtout que moi j'ai pas le temps, tu vois. Non oui aussi. D-Rester, moi j'assume complètement, tu vois, c'est un jeu, je pense qu'il m'intéressera pas, il me donne pas envie de jouer, mais je suis content qu'il existe, je suis content qu'il des choses que je n'aime pas, ça fait que renforcer la richesse du truc. Mais faut aussi se dire que dans le contexte, 2013, c'est 2 ans avant le Gamergate, alors qui est bon, essentiellement, enfin non d'ailleurs c'est uniquement une grosse campagne de misogynie, ça a été récupéré par tout un tas de joueurs réac qui ont essayé de s'imposer. Mais justement, tu vois, on était vraiment dans cette période... Gnome est venu nourrir ça. C'est-à-dire que ces gens-là, Gnome s'est sorti avant, mais le Gamergate s'est dit, ok, vous voyez, c'est ça que ça a devenu. Ils ont essayé, tu vois, de masquer leur bêtement, leur sexisme ambiant par ce genre de truc-là. Et donc, ça a créé ces espèces de discours, comme s'il y avait eu un schisme entre les joueurs et les joueuses de jeux vidéo vers les vrais joueurs et les faux joueurs. Et c'est pour ça qu'on rigole encore à chaque fois qu'on dit les vrais gamers, tu vois. Parce que justement, c'est un reliquat de cette époque où le jeu vidéo était en train justement d'explorer ses propres limites et de découvrir qu'il pouvait aller bien au-delà de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Parce que avant, ce qu'on appelait les jeux d'aventure, parce qu'un Walking Simulator, Myst, énigmes, t'as des trucs comme ça, ça existait déjà. Il y avait tout un tas de jeux. Je veux dire, les point and click, c'était déjà des jeux où on te racontait des histoires. On nous a toujours raconté des histoires dans les jeux vidéo. C'est juste que beaucoup de gens ont choisi de le voir que par le prisme de pam pam boum boum. Moi, il y a un truc que j'avais trouvé intéressant parmi les gens dans l'article de Killscreen qui était contre l'appellation Walking Simulator. T'as des gens qui disaient, par contre, ça risque de renfermer un petit peu le genre. Tous ceux qui veulent du coup faire des histoires qui parlent de gens, de choses comme ça, ils vont juste faire un truc à la première personne en 3D dans lequel tu marches. Et c'est vrai qu'on a un peu cette image-là maintenant. Pour l'instant, parce que bon, c'est quand même tout récent finalement. Déjà, Gnome, c'est vraiment un pionnier. Vraiment des gros walking simulators, on les a déjà fait. C'est-à-dire qu'on a fait What Remains of Edith Finch et Firewatch. Qu'est-ce qui reste? Il y a Rapture, Everybody's Gone to the Rapture. Il y a Tacoma, qui est le second jeu de Fulbright. Vanishing of Ethan Carter. Mais il n'y en a pas eu de... Pour moi, Firewatch, pour moi, c'est là, le plus gros. Avec dans l'espace, vous savez... Ah, j'ai oublié le nom, je suis désolé pour les développeurs. Tu sais où tu te retrouves et tu parles à une IA et tu discutes avec une IA. Non, c'est pas Observation, c'est encore Event un Zero. Event Zero. Enfin voilà, des jeux comme ça, à la première personne, avec une grosse partie narrative, il y en a. Mais tu disais, ça va pas renfermer le genre. Parce que quelque part, tu vois, Céleste, ça pourrait être un jumping simulator. Parce que... Non, mais quelque part, on en a dit, donc c'est le premier épisode de notre magnifique émission, fin du game, l'émission qui va au bout des yeux. Céleste raconte énormément de choses alors que ça reprend les mécaniques de Mario. Donc je pense que le jeu vidéo ne s'enferme pas dans ce genre de truc là. Évidemment qu'on va avoir des jeux narratifs, tu vois, moi je joue en ce moment avec ma copine à Knights and Bikes, c'est un truc en 2D vu de dessus où ça raconte une histoire, il y a très peu de gameplay, mais ça raconte une histoire vue de dessus comme si c'était un Don't Starve, tu vois, au niveau du visuel, ça ressemble un peu à ça de loin. Donc on peut raconter des histoires de toutes les manières possibles, je pense pas que dire Walking Sim ça soit forcément réducteur. Non, et puis surtout, de toute façon, on le constate, les genres c'est rétroactif, c'est-à-dire qu'on nomme les choses une fois qu'on a commencé à comprendre comment elles fonctionnent, mais le truc c'est qu'au moment où on les nomme, elles sont déjà parties dans différentes directions, donc de toute façon ça va encore évoluer, et voilà, moi vraiment je suis super content que ce jeu existe, parce qu'il a donné pan à un de mes jeux préférés, What Remains of Edith Finch, parce que bon, il lui doit quand même beaucoup, et ouais, je suis super content de voir où ça peut aller. Alors c'est vrai qu'il y a eu Tacoma, donc je le disais, qui est sorti après, qui est donc pas la suite de Gnome, mais qui est aussi fait par Fulbright, qui n'a pas très bien fonctionné pour eux, ce qui est un peu étonnant, parce qu'on pourrait se dire, bah voilà, avec toutes les personnes qui aiment ce genre de jeu, il y aurait eu probablement plus de gens qui auraient pu s'intéresser à Tacoma. Mais bon, au final, bon, moi j'ai commencé à y jouer, j'ai pas tant accroché que ça. Toi, Maxime, je crois que t'es allé au bout, ça t'a pas particulièrement plu. Et pourtant, tu vois, il y a beaucoup plus de budget, sens qu'il y a eu le succès de Gnome derrière. Mais non, moi j'ai pas aimé. Et pourtant, ils avaient rajouté une mécanique intéressante, alors on va pas forcément rentrer dans les détails de Tacoma, mais je vais même pas expliquer ce que c'est, mais il y a une mécanique narrative qui est mise dans le jeu, qui approfondit entre guillemets un certain gameplay, tu vois, mais je trouve que dans les thématiques m'ont moins intéressé, et puis le côté lecture était moins bien géré, j'ai trouvé, encore une fois sans rentrer dans les détails, c'est beaucoup plus systématique, où t'as vraiment des étapes dans le jeu où tu dis, bah là je vais me taper la lecture, là je vais devoir lire, là je me tape de la lecture, alors que dans Gnome c'est beaucoup plus enquête, et c'est plus distillé, les informations sont données plus au fur et à mesure, moins systématique, moins automatisé, enfin bref, mais Tacoma a beaucoup moins marché que Gnome, mais bah, ils continuent de bosser, hein, à ma connaissance. Ouais, ils sont sur un nouveau jeu, hein, sur le site de Steve Gaynor ou son compte. C'est bien marqué qu'ils bossent sur un nouveau jeu qui n'est pas encore annoncé. Ouais. Ça a été modifié il n'y a pas si longtemps. Et j'imagine que ça, c'est le genre de truc qu'on va entendre parler dans les mois qui viennent. D'ailleurs, voilà, la règle, hein, le syndrome de fin du game, c'est que maintenant qu'on en parle, il y a de grandes chances que sur Twitter, ça arrive. Le jeu, il sera en promo sur Steam. Il sera une exclu Epic Game. Ouais, le Game Pass va le faire exprès. Enfin voilà, chaque fois qu'on. Non, mais c'est rigolo. Les gens vont vraiment finir par qu'on est maqué avec tous ces stores, alors que absolument pas. Indépendance, c'est pas nous. 5/5. Quel Quelle arnaque. Non, c'est pas une arnaque, c'est la vérité pour nous. Oui, oui, non, mais je parlais pas de... Je parlais de la première personne qui avait dit ça. Bref, je crois qu'on a fait le tour par rapport à Gnome. C'est un jeu, voilà, qui nous a tous touchés de différentes manières grâce, moi je pense vraiment, ouais, l'écriture de ses personnages et surtout comment il nous est raconté. C'est une vraie réussite en soi et un jeu, du coup, qui a influencé et qui a défini pas mal de choses pour tout un pan du jeu vidéo qui continue encore à évoluer. Donc voilà, merci messieurs, on est revenu dessus, ça fait plaisir. On l'a fait, ça y est, celui-là c'est fait, on reprendra avec les autres qui ont suivi. On remercie une nouvelle fois Auteur d'édition, on remercie évidemment nos patriotes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Patreon si vous voulez que Fin du Game continue et qu'on parle de Nier Automata. Et puis rejoignez-nous sur le Discord, parce qu'on est toujours plus nombreux, on est 1000 et des brouettes. Ouais, je compte plus. 1000 plus de 1200, c'est incroyable, incroyable. Donc voilà, on est très nombreux, l'ambiance est toujours aussi sympa. Ouais. Nous, ça nous fait super plaisir parce qu'en général, quand la nouvelle personne arrive, il y a souvent, tu sais, tu la vois écrire pendant 30 minutes et d'un coup, tu vas un gros pavé où elle raconte un peu son contexte de comment il ou elle a découvert l'émission. Et bah, nous, c'est, moi, je trouve ça toujours super touchant. Donc bah, merci pour tous vos retours d'expérience et puis bah, à bientôt pour un nouvel épisode. Tout à fait, salut. Salut.